C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan de vos vies à assemblage requis. Sébastien F. Gartin nous dira des choses bien, bien sérieuses dans sa chronique depuis le temps Gartin. Alex Marchand nous fera grimper des montagnes de son imaginaire en nous amenant dans sa tête. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mercredi 8 novembre 2017. On est à 170 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. On est en train de partir le chauffage, en fait. Ah oui, pour vrai? Ben, ça sent ça, l'odeur. T'as pas trouvé qu'il faisait frisquet ce matin, toi? Oui, vraiment. Il est laid. Pas le fun le matin. Oui, sortez vos petits crêpeurs là, pour vos voitures. Hein, c'est en ça. Je m'étais dit que ce serait le premier jour où je porterais ma veste. Je l'ai pas mis. Oh non. J'ai oublié. T'as dû avoir froid? Oui. Il fait exactement moins 2 selon la température et le thermomètre de ma voiture. Je veux vraiment pas savoir ça, moins 2. C'était frisqué, ce matin. Pas prêt à ça. On dirait que ça nous a pris par surprise, en tout cas moi. Sébastien Viertin, t'es-tu surpris ce matin? Oui. Ouais. Oui. Même lui, le gars qui joue, je suis pas encore remis. Non, c'est ça. Le gars qui est tout en train de dire qu'il est super vieux, plus vieux que tout le monde. Tu connais ça, les hivers? Ouais. Dans mon temps. Ouais, c'est ça, exactement. On marchait un col. En raquette. Ni pied. Ni pied. Dans la neige. Donc aujourd'hui, à l'émission, on vient de se rendre compte qu'on n'a pas Gabriel Béaud aujourd'hui pour dans les coulisses de la lutte. Eh bien non. Malheureusement. Mais par contre, j'aurais pu aussi dire que Xavier Méclis va être là pour le remplacer. Donc mon gag que j'avais écrit pour le début de l'émission aurait dû être dit. Ah. Fait que Xavier Méclis va nous faire dégringoler en bas de notre chaise dans les coulisses de la lutte. Maintenant, c'est dit. Bon, voilà. Ça, c'était à 9h. Ensuite de ça, autour de Xavier Méclis, on va voir David Ferron avec nous à 8h30 pour la chronique du journal Zone Campus. Il a des choses à nous annoncer, ce David Ferron. Oh! Ah oui. Ah ouais. C'est assez mystérieux et nébuleux, tout ça. Mais vous allez savoir ce que ça veut dire à 8h30. Connaissant David, c'est peut-être juste qu'il se rappelle plus c'est quoi qu'il annonce. Non, attends un peu. Ne pas avoir de mémoire, c'est moi. Ouais, être c'est maladroit, ça. C'est David. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Ah, oublie ce que t'as à dire à radio. Vous faites un bon team, mettons. Ouais, c'est ça. Ça va pas super bien, notre équipe. À 8h, Alex Marchand. Lui, ce gars-là, il nous amène des surprises à chaque fois. La semaine passée, mercredi matin, du gin? On a bu du gin à 8h et 8h30. Mm-hmm. En onde. Comme ça, le bing-bang, pas d'avertissement. Et est-ce que ça va être la même chose? On va voir. Donc ça, c'est à 8h avec la chronique Dans ma tête avec Alex Marchand. Et j'ai reçu sa nouvelle intro. Pour vrai. Pour vrai? On va entendre ça à 8h. Merveilleux, j'ai hâte. Ta collègue s'en vient plus tard, Tania, je connais le génial. What's happening? Ouais. Bien, ce matin, on va faire un petit retour, en fait, sur une chronique, un type de chronique que j'ai déjà fait, que j'avais perdu l'habitude de faire. Okay. Je vais vous présenter des femmes qui sont quand même inspirantes et influentes. C'est le fun, ça, j'avoue. Très bon concept à ramener. Mais on commence l'émission à l'instant avec notre ami Sébastien F. Gartin. Le voici dans son bulletin Gartin. Sébastien Gartin. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ouais, il fait clair. Il fait clair. Un changement d'heure. Hein, c'est la première semaine de l'année où on est vraiment quasiment le jour en animation. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bref, Sébastien Gartin qui est là pour nous parler de politique. Oui. En général. Beaucoup. Ben, beaucoup. Et j'ai vu aussi que tu avais un iPad ce matin. Donc, contrairement à la plupart des chroniques où tu n'as pas de casque, comme tu appelles, ben, chronique bien casquée. Je tiens à dire qu'à date, depuis le début de depuis la rentrée, j'ai eu une chronique pas de casque. Ah, pour vrai? Il y en avait une autre aussi qui était pas de casque parce que mon iPad a décidé de fucker le chien. Fait que finalement, je l'ai fait de mémoire. Mm-hmm. Mais non, à date, je trouve que cette année, je me débrouille bien. Ah, bon. Ah, c'est juste qu'il amène pas son iPad. C'est ça, t'es dans le casque. Mon téléphone. Tout dépendant à quel point j'ai du stock de noter. Des fois, je fais juste mon téléphone. OK. Ben maintenant, on sait. Voilà. T'avais juste l'air pas préparé. Exactement. Mais tu l'étais.

Absolument, c'était à 12h30 sur RDI. Et il y a une deuxième édition, je crois que c'est 16h. Ouais, un truc comme ça. Merci beaucoup. Faut un retour sur... Ouais. Merci, Butin Gartin, Sébastien Gartin. C'est ton nom. Alors, on fait ça les mercredis matins en début d'émission vers 7h. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! On prend une pause et au retour, plein d'autres belles choses. Entre autres, oui. Alex Marchand s'en vient dans une quinzaine de minutes pour sa chronique Dans ma tête. Restez là! Aujourd'hui. Rassemblage Rocky en ce mercredi matin 8 novembre 2017. On y va avec un petit peu de musique avant de continuer. Je sais que tantôt la collègue de Tania s'en vient, la mienne aussi. On va parler de gadgets plus tard, mais avant ça, on s'écoute une pièce du palmarès francophone comme on aime le faire. Voici Zen Bonbou et Poupée Voodoo sur C'est fou. Avec Poupée Vaudou. Faut arrêter de parler des fois, tu sais. parce que la chanson finit. On n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est dommage, on aimerait ça pouvoir parler toute la journée. Hein? Mais non, on peut pas parce qu'on a d'autres chroniques à faire et s'acheter des gadgets comme dans Sex Mais ça devrait répondre. Ma technique pour arrêter la conversation, c'était chut. Oui, j'ai bien vu ça. Je me sentais un petit peu dictatorial. Donc, c'est 5 semaines de réponse, là, où on parle de gadgets inutiles qu'on achète sur Internet, et ça va être intéressant, comme toujours, parce qu'il y a des niaiseries là-dedans, c'est incroyable. Commençons par, on connaît tous le projet du Balance ton porc et des mois aussi, là. Il y a un bouton connecté disponible en ce moment. Oui. On connaît tous le hashtag. Ici, le produit. Développé par Madame Dominique Brogy, mon shérif est non seulement hyper pratique, mais aussi hyper discret, dit-elle. En effet, en achetant comme une télécommande à distance de son smartphone, le bouton mon shérif ne nécessite qu'un clic pour agir à l'insu totale de son agresseur. Donc, c'est un bouton qu'on clip, par exemple, sur une bretelle de soutien-gorge ou au revers d'une cravate. Et ça permet, dans les cas les plus extrêmes, d'alerter simultanément en un clic géolocalisé 5 de ses proches par un appel téléphonique d'urgence préenregistré, plus un SMS, plus un courriel. Mon shérif permet aussi de déclencher une alarme sonore pour empêcher le passage à l'acte. Enfin, il permet de déclencher des enregistrements audio, photos ou vidéos pour témoigner auprès des services de police ou de sa direction et confondre ainsi son agresseur. Mon shérif, donc le bouton balance ton porc. Ensuite, une société qui loue des jets privés pour que les Instagrammeurs fassent semblant. J'ai vu ça. C'est n'importe quoi. Hein? Sur les réseaux sociaux, les gens ont besoin de looker, oui. C'est ça. Je t'avoue que la compagnie qui le fait, par exemple, bon, quel cool. Vraiment. C'est basé à Moscou, en Russie. Private Jet Studio loue un jet privé. Voyons, je l'aime ça. Un jet privé, Gulfstream 650, qui reste à terre avec un photographe professionnel qui vient avec pendant 2 heures. Le tout pour 244$ US ou 191 si vous avez déjà votre propre photographe ou que vous prenez vous-même les photos. Donc, c'est pour faire croire à vos abonnés que vous vivez la grande vie. Bien sûr, les clients de Private Jet Studio sont aussi des photographes professionnels pour des contrats divers, mais ces derniers temps, l'entreprise a vu se multiplier les Instagrammeurs et Instagrammeuses dans le but de faire semblant. Ensuite, une fourchette connectée qui masque le bruit qu'on fait quand on mange des nouilles japonaises. Est-ce qu'on fait automatiquement un bruit lorsqu'on mange des nouilles japonaises? Les ramen, faut que tu les avales en les aspirant. Ils sont même gluantes des fois aussi, c'est bizarre. Quoi qu'il y en a sérieusement qui sapent quand ils mangent n'importe quoi, genre leur sandwich. Ouais. Je trouve ce son-là tellement désagréable que faut que je m'en aille. Mm-hmm. Je suis pas capable. Bref, la fourchette Otohiko cherche... Meurs pas, Mathieu. Merci. Je vais continuer ça. La fourchette donc cherche à cacher le bruit que font les mangeurs lorsqu'ils aspirent leurs nouilles avec leur bouche. Mm-hmm. Donc, si vous aspirez vos nouilles, ça fait un slurp caractéristique qui est quasiment culturel au Japon. Mais il peut quand même surprendre, même gêner ceux qui sont pas habitués. Heureusement, on peut compter sur le fabricant de ramen Nissin pour offrir le gadget avec lequel on pourra plus vivre. Donc, la fourchette Otohiko qui est connectée. Hein, c'est pas la première fourchette connectée, étrangement, mais sa proposition est néanmoins unique puisqu'elle est présentée comme une fourchette anti-bruit. Connectée au smartphone de son utilisateur, elle capte les bruits de bouche désagréables et se charge de les masquer avec un bruit blanc ou un autre son apaisant, comme un bruit de vague, par exemple. Ça me rappelle... Fait que tu manges, puis là, t'as des vagues autour, genre? C'est tout à fait normal, un bruit de vague autour. Ouais. Ça me rappelle les machines dans les toilettes. Je crois que c'est japonaise aussi, pour masquer le bruit de quand tu fais popo. Oui. Bon, ça fait des petites vagues aussi, c'est n'importe quoi. La vidéo de présentation sur assemblagerequis.com montre 3 Japonais et 3 Occidentaux en train de manger des cup noodles, un des produits de la marque Nissin. Ils ont l'air assez enthousiastes par rapport à ce produit. La question de savoir, combien ça... Ça va être commercialisé à 5000 exemplaires et c'est sur store.nissin.com qu'on se procure ça. Ensuite, c'est la compagnie de souliers ASICS, souliers de vêtements sportifs et autres trucs, qui veut faire cuire les semelles de vos souliers au four à micro-ondes. Mais voyons. Ouais, la marque de personnalisation de basket frappe fort, nous dit-on. Elle a mis au point une technologie qui lui permet de cuire les semelles de ses chaussures au micro-ondes directement dans ses boutiques. Donc, on les fait cuire en magasin pour les mouler et les fixer aux chaussures. Le processus prend environ 15 secondes et vous repartez avec votre paire de souliers totalement unique. Actuellement testé par la marque japonaise, le système utilise des billes de plastique qui sont disposées dans un moule, enfournées ensuite. Le client peut choisir les couleurs qu'il souhaite pour ses semelles. Il y a une petite vidéo de 30 secondes pour expliquer le processus sur assemblagerequis.com. On dit que la technique est également écologique en plus d'être originale. Selon la marque qui utilise la technologie développée par une start-up taïwanaise, la pratique consomme 90% d'énergie en moins par rapport au système traditionnel par injection. Pour l'instant, la pratique est encore en phase de test chez ASICS, mais la marque compte équiper rapidement certains de ses magasins. C'est ça. Il faut un micro-ondes! Étrange, mais très bon. Très étrange, quand même. Je trouve ça vraiment intelligent, par contre. Vraiment. Ouais. Ensuite, celui-là, c'est complètement n'importe quoi. C'est le Experience Tube, une chaussette géante pour connecter deux personnes. Oh mon Dieu. Ah, ben oui. Donc, c'est une chaussette géante qui aurait été coupée au niveau de l'emplacement pour les orteils. Une fois que les deux personnes ont la tête dedans, elles bénéficient d'un canal privé pour échanger en toute discrétion. Ça a été imaginé par les équipes du collectif Meow Wolf. On dit que c'est un appareil analogique révolutionnaire qui lie une expérience à une autre avec uniquement un matériau doux rayé et la technologie de reconnaissance faciale la plus sophistiquée jamais développée. Le tube remplace toute source de distraction périphérique par un festin visuel de rayures et de rires. Chargez simplement un visage à chaque extrémité et fabriquez votre propre Internet instantanément. La connexion est parfaite de manière immédiate, sans aucun abonnement, aucune condition d'utilisation, aucune publicité invasive ni indisponibilité de service. N'importe quoi, l'Experience ouais. Tube est vendu 25$ américains sur le site experiencetube.com. Et on dirait un long legging. Oh boy! Je dirais. C'est bizarre. Ouais. Experience Tube. Ensuite, un ours en peluche à soigner en réalité augmentée avec un téléphone intelligent. Ouais, c'est en vente chez Apple, entre autres, depuis début octobre. C'est un ours en peluche compatible avec des accessoires et une application de réalité augmentée. Les enfants peuvent le soigner en utilisant un iPad ou un iPhone. C'était conçu par la start-up Seedling. C'est un ours donc d'apparence ordinaire. Il intègre ni piles ni composants électroniques. Sa seule particularité, c'est les motifs sur ses pattes et sur son ventre qui sont reconnus par une application iOS de réalité augmentée. Avec ses différents accessoires, le nounours devient interactif par le biais de la réalité augmentée. L'objectif donc de soigner l'ours en plus pour qu'il reste en bonne santé. Il est livré avec un thermomètre et un stéthoscope qui réagissent à l'application mobile. Un faux tube de pommade permet de le soigner et il est possible de réaliser une radio en réalité augmentée. Certaines fonctions sont donc sur iOS 11 seulement. Donc le nounours est proposé avec son accessoire à un prix de 70€. Ça fait combien 70€ en dollars canadiens? Ça nous donne... on parle de 100$ environ. Voilà. Exclusivement dans les Apple Stores. Ensuite, on pouvait passer l'Halloween récemment dans une cellule de la prison d'Alcatraz recréée pour 666$. Pour se faire peur un peu, selon Money.com. Donc, c'est situé au Fisherman's Wharf à San Francisco. C'est un donjon qui recrée l'histoire locale et les légendes de cet endroit-là en utilisant des plateaux, des effets spéciaux et des acteurs. Donc, un peu comme les trucs de la prison de peur là, à Trois-Rivières. Mm-hmm. Ça serait un petit peu à ça. Sauf qu'on vous demande de payer 666$ pour avoir une cellule privée pendant la nuit. Dans la suite Ghost of Alcatraz du donjon, une cellule reconstituée qui peut accommoder jusqu'à 4 personnes. C'était le 30 et le 31 octobre dernier. Allez voir les photos, ça fait pas mal peur. Ça inclut 4 lits, c'est jumeaux, je crois qu'on dit les lits pour une seule personne. J'ai jamais compris ça d'ailleurs. Pourquoi on appelle ça un lit jumeau si c'est pour une personne? Je sais pas. Des pyjamas, des collations de nuit et une petite histoire racontée mais très épeurante par un résident du donjon. On fournit aussi le déjeuner le lendemain matin et un sac de petits bonus. Bon, c'est incroyable. Au moins. Ouais. Ensuite, c'est un gadget de cuisine, en fait, c'est pour empêcher vos moitiés d'avocat de mal tourner. Oui, vos moitiés d'avocat, vous me direz, bon, ben n'importe quel plat de plastique avec un légume ou un fruit dedans peut se conserver. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que t'as enlevé la moitié et qu'il reste le noyau de l'avocat? Eh bien, il faut que t'aies un récipient qui a une petite bedaine pour pouvoir insérer ton noyau en bas dans le fond du plat. Puis après ça, l'avocat vient se reposer sur le reste de la vitre, du plastique, pardon. Donc, c'est chez Williams Sonoma sur Internet. Ça coûte $8 US. Donc, c'est un objet qui ne fait qu'une seule chose. Et ça vous empêche de gaspiller la pellicule plastique. Ça empêche de brunir votre avocat. Donc, c'est un pot, un plat avec une petite bosse en dessous. Ensuite... Target, on va chez Target un petit peu. Ouais, aux États-Unis, on les aime bien. On se rappelle, il y a quelques mois, on avait parlé de vêtements qui étaient de section unisexe pour les jouets. Mm-hmm. Pour les vêtements aussi, il me semble. Mais Target, maintenant, augmente ses options de vêtements pour les enfants avec des besoins particuliers. Donc, les enfants handicapés avec leurs parents, ça peut être difficile de magasiner pour des vêtements, de choisir quelque chose de mignon. On cherche le confort et la capacité à s'adapter avec ses vêtements. Donc, avant le look, on y va avec le confort ouais. et l'adaptabilité. Avant de regarder le look, on n'a pas le choix. Donc, Target aimerait ça rendre plus simple, voyons, le choix de ces vêtements-là pour qu'ils soient aussi jolis, selon Pop Sugar. Donc, ça fait partie de la ligne de vêtements Cat & Jack chez Target. La collection comprend plusieurs articles sans étiquette inconfortable. Sans couture trop évidente, parce qu'il y a des enfants qui sont un petit peu trop sensibles à ça. Donc, il y a des vêtements pour les enfants sensibles de la peau. Hein? Mm-hmm. T'as aussi, parmi les nouveaux morceaux, des leggings, des hoodies, des t-shirts, des manteaux d'hiver qui sont plus faciles à porter. Par exemple, avec une ouverture style velcro pour les enfants un petit peu plus volumineux. T'as des manches qui se dézippent, t'as des snaps cachés, t'as des coutures cachées aussi à l'arrière, sur le côté et sur le devant. Donc plus de façons de mettre ses vêtements et de les enlever. L'espoir est donc d'avoir moins de stress lorsqu'on magasine, et aussi moins de stress lorsqu'on s'habille le matin avec des enfants avec des besoins particuliers. Donc ça se vend entre 5 et 40 $ le vêtement, exclusivement en ligne chez Target. Il n'y aura pas ça en magasin, mais en même temps, on peut comprendre qu'il n'y ait pas la place pour mettre le stock pour tout le monde ça. En magasin. Et c'est plus pointu, si on veut. Donc, c'est depuis le 22 octobre. On peut voir des photos sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Et on rappelle qu'on peut commander sur Target en ligne aux États-Unis, même au Canada. Oui, c'est vrai. Depuis qu'ils ont fermé la franchise canadienne. Ah, je sais. Ensuite, on aime tous les poches sur nos t-shirts, les petites poches avec des flamants roses, des poches oui, avec des affaires comme ça. Je sais que j'ai... Il me semble que j'ai vu Alex Marchand avec une poche comme ça sur un de ses chandails à me demander. T'as-tu dit non? Non. Non. Il dit non. Tes collègues, par contre, ont ça, non? Oui. À la GA, il y a beaucoup qui ont des pochettes comme ça. Je le sais pas, je les fréquente plus beaucoup. En tout cas, notre boss Jean-Philippe emporte souvent des pochettes. Ah oui, ça oui, bon. Ça oui, définitivement. Bon. Puis Antoine Ricard Lapointe aussi, vous pouvez voir sur les affiches dans les toilettes. Oui, hey, c'est quand même assez drôle, hein? Ou à la chasse-galerie si vous êtes wild. Absolument. Ah, il est wild, lui aussi. Donc, pour ceux qui aiment ce genre de pochettes et qui en plus aiment l'alcool, là, je pense que si je te rejoins un petit peu plus, Alex, avec l'alcool. Très. Donc, c'est un chandail avec une gigantesque poche en avant, poche dans laquelle tu peux mettre de la glace et des bouteilles de bière. Giant My God, pocket avec shirt. L'eau? Super l'eau, oui, mais c'est super à la mode. Mathieu, c'est ça l'important. Ça coûte environ 35-40 $ canadiens. Mademoiselle en 4. Faire au yard mes dépenses. Donc, c'est un chandail super confortable, nous dit-on, et très, très solide aussi, excentrique et coloré. Donc, on peut choisir plusieurs modèles en allant sur assemblagerequis.com, c'est sur Amazon Canada. Ensuite, une chandelle qui, ça vous l'avez probablement vu passer, mais je voulais en parler un petit peu plus quand même, on a quelques détails additionnels parce que les gens lisent pas les articles sur Internet. C'est une chandelle qui sent apparemment encore plus le nouveau Mac. OK. Ouais, l'an passé, 12 South, une compagnie d'accessoires d'Apple avait sorti une chandelle qui disait sentir comme si on venait de déballer un ordinateur à Mac, un Apple. Ça s'est vendu super rapidement. Ils ont réparé la chose en sortant un nouveau modèle. En fait, ça ressemblait pas nécessairement à un produit Apple, l'ancien modèle. Celui-là, il ressemble un petit peu plus. Donc, ça s'appelle la Mac Candle No. 2. Donc, avec un profil de bergamote, citron et tarragon. Mm-hmm. Ah, ouais. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à la chandelle, la chandelle 10? Je sais pas. Ouais, comme iPhone, ouais. Ouais. Tout le monde dit iPhone X, si mais... Je suis pas encore réveillé un matin, ça sent bien les bruits. Ça sonne pas réveillé. On te force à parler comme ça avant même le début de ta chronique. Donc, design à valeur ajoutée, oui, qui ressemble un petit peu plus comme si Apple avait fait là, un pot blanc, tout rond, super joli. Plus facile à tenir dans ses mains aussi, apparemment. Le modèle de l'année passée s'est très bien vendu, mais donc celui-là va, j'imagine, se vendre aussi bien. 29 $ US. Et une partie de l'argent va à STEM Education, donc pour une bonne cause. Et c'est par la compagnie 12 South. Ensuite, est-ce que vous aimez vous débarrasser d'insectes? On aime pas ça, d'habitude. Oui, quand même. Ça? Ouais, quand même. Est-ce que vous êtes apte à les tuer facilement? Est-ce que vous êtes bon sur le revers de la main ou avec un journal ou un annuaire, la seule utilité? Ça dépend tout le temps avec elle. Ça dépend, ouais, c'est ça. Ça dépend comment je file, moi. Tu sais, des fois, je suis comme, OK, tu sais, t'es l'araignée, tu sais, je t'aime pas, tu m'aimes pas, c'est correct. Je vais quand même prendre un verre et une feuille, puis je vais aller te remettre en liberté à l'extérieur. D'autres fois, je suis comme, j'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. Tau! C'est déjà fait, tu sais, je suis très bipolaire avec les animaux insectes. Ouais, hein. Ça paraît être instable mentalement. Ouais. Juste un petit peu. Donc pour ceux qui aiment surtout pas tuer quand les... je suis à la chasse galerie. Oui. Donc pour ceux qui aiment pas tuer les petits insectes, mais qui je sais pas, qui veulent faire ça plus simple un peu, c'est le Redo Rechargeable Bug Vacuum. C'est un aspirateur. Bug vacuum. Moi aussi j'ai entendu butt vacuum. C'est ma congestion. Ils disent tout ça. C'est pas juste pour ton genre de congestion. Un vacuum pour le butt. Ouais, ça c'est pour la congestion des fesses. longtemps. Bref, chargé en deux armes via USB. Et il y a une lumière, une lumière LED pour pouvoir les tuer dans le noir. On peut acheter ça sur Amazon pour 25$ environ. Oh. Sans produits chimiques. Dans le même genre, c'est un débouche-toilette. On a parlé de congestion de fesses. Donc c'est un comment t'appelles ça? Un plongeur qu'on appelle des fois en français, c'est quoi? Un débouche-toilette. Hein? À 290$. C'est pas le même genre de plongeur, Mathieu. Non, c'est ça. C'est, en anglais, on dit ça des fois en français, les gens disent. Un diver, genre, en anglais? Ou... Hein? Un diver, tu sais, quelqu'un qui plonge? Ah non, un plunger. Diving person, un plunger. Je te jure. C'est par American. Gamin, ça, c'est par la compagnie American Master Plunger. Fait que c'est pas pour rien que les gens disent ça. Hey, hein? Créé et le design par Remade Company à New York. Donc, ça débouche une toilette après avoir mis trop de papier de toilette en même temps, bien sûr. Donc, bien sûr, on pourrait utiliser celui à 4$, le débouche toilette, mais ici, il y en a pour beaucoup plus cher. Pourquoi? Ben, parce qu'il est beau, là. Il est gold-plated. Un peu genre argenté. Plus d'argent. Un peu aluminium, je dirais, en fait. Ouais. C'est le fun pour aller déboucher du caca, sérieusement. Il y a des gens qui ont du budget. Oui. Et voilà. On est pas nous autres, je pense. C'est fait en pain. Moi, je suis pas rendu là dans ma vie, sérieusement, m'acheter un plunger en argent, non? Argent et pain. Ah. T'as pas entendu que c'était en pain? En bois, j'espère qu'il est verni au moins. Tu sais, si tu le mets dans l'eau, là, ça va être gondolé après une coupe de temps. Ça doit pas être super agréable à toucher quand ça touche à une toilette. Et enfin, latex siliconé vulcanisé et sulfuré pour améliorer sa puissance. Je sais pas si cette compagnie-là va durer dans le temps. J'espère qu'ils font pas juste ça. J'espère que non. J'espère qu'ils font d'autres choses avec leur bouc, les serrer puis les rentrer dans une toilette parce que. Ouais, c'est ça. Pas sûr. Je suis pas convaincu qu'il y a un marché. Pas sûr. Peut-être qu'il y en a un. Non. Peut-être. C'est jamais. Ils devraient faire des aspirateurs de fesses à la place. C'est sûr que ça pogne. Est-ce que vous êtes du genre à fort tatouer, les amis? Ben, on termine là-dessus. Oui. J'en ai pas, moi. Mais un jour. Ben, est-ce que tu paierais 100$ dans une machine à gomme pour avoir un tatou au hasard? Ça, non, par exemple. Est-ce que tu te réponds toi-même en disant cette phrase-là, Mathieu? Leur slogan, c'est « You don't have to be smart to get a good tattoo ». 100$ par tatou, totalement classique, totalement cool. Donc, all classic, all cool. Get what you get, c'est le nom de cette machine à Elm Street Tattoos à Dallas, au Texas. On paie à l'artiste 100$, il vous donne un jeton, une piécette qu'on met dans la machine et le design qui sort va être tatoué sur toi pour ce prix de base de 100$. Mais c'est à dire que c'est pas des tatous qui sont laids là, non plus. Là. Non, c'est des tatous qui sont faits par les artistes. Exactement. Puis c'est pour ceux qui veulent juste se faire tatouer sans nécessairement avoir quelque chose à faire tatouer. Tout à fait. Et si t'aimes pas le design dans la machine après ton 100$, tu peux avoir un autre jeton pour 20$. Il y a pas de remboursement, mais tu peux changer ton design si tu l'aimes pas. Ça a l'air d'une machine remplie de regrets, genre. Honnêtement, là. Tu sais, quand t'arrives chez le tatoueur, c'est comme, ouais, je vais me faire tatouer, je sais pas trop qu'est-ce que je vais me faire tatouer. 20 ans plus tard, t'es comme, j'aurais pas dû. Qu'est-ce que tu fais pour 100$? Ouais, peut-être. Ça a l'air fou. C'est sûr que ça serait difficile d'aller chercher la signification derrière un tatou comme celui que tu vas piger. Mais en même temps, ils nous disent, ils ont dit au Dallas Observer que tous les tattoos sont entre 160 et 180$, peut-être même 250$ pour certains, et tu les as pour 100$. C'est premier arrivé, premier servi. Bon. Quand même, un projet qui pourrait tenter quelques personnes. Still, pour un défi, je me ferais quand même tatouer un trèfle à quatre feuilles sur une fesse. Bon. Sur une fesse? Ben c'est oui, c'est mais ça doit pas faire mal, honnêtement, se faire tatouer une fesse, parce qu'il y a pas de muscles. Ben, il y en a un peu, si jamais, ça dépend. Qu'est-ce que tu dis? S'il y a pas de gras? Il y a plein de gras. C'est mienne, hein? On voilà. Est assis confortablement si vous vous questionnez. J'ai quand même mis un coussin, en fait, tu sais. J'ai quand même coussin et mon gras de fesse. Quand même. Chanceux. Voilà pour ça que ça ne devrait pas, on l'a. T'es en train de dire que nos chaises sont pas confortables, toi, là? Non, mais. Avec ce petit coussin, ça doit être encore plus confortable. Et voilà, tu t'en es bien sorti, quand même. Quand même, hein. On prend une pause. Au retour, qu'est-ce qui s'en met dans ta tête, Alex? C'est de la chronique. Un nouveau jingle, Mathieu, depuis le temps que tu l'attendais. Il est fait, là. Pas besoin de rien dire de plus, c'est assez. Juste un nouveau jingle, c'est assez excitant. On a hâte. On a tellement hâte. On revient dans deux minutes. Yeah. Merci. Aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Assemblage. message requis pour toi aujourd'hui. L'assemblage requis en ce mercredi 8 novembre 2017, elle est Tania Bonnard. Et Mathieu Plante. Dans quelques minutes, ce sera Dans ma tête avec Alex Marchand, qu'on appelle des fois Dans la tête d'Alex, parce que sinon ça fait comme si c'était ma tête à moi, c'est un peu confus. C'est ça. Confusion certaine. Tout à fait. Donc on fait ça dans quelques instants. Avant, par contre, on écoute Laura Savage. Avec Lillian. Anything I've been had, I can get anything I've been have you. C'est ça. Anything, c'est quoi? Anything like it have you. Ouais. Tu parles d'un titre. De ta assemblage requis. Faudrait y poser la question. C'est ça. Yeah. nous a léchés avec tes gros coupons. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu déjà. Tu t'es craché dans ta gueule à toi. Tu t'es tué encore une belle fois. Je t'ai regardé te battre avec ta peau et je suis retournée. Danse, parents dedans avec la bronze. Wow. C'est exactement ça que ça m'inspirait. C'est ouais, ça. Pas le nom de la toune, mais genre, c'était pas visible. C'était juste. Danse, parents dedans. C'est ça. C'est merveilleux. J'étais comme en transe. Ah, c'est ça qu'on s'est dit. C'est moins vulgaire que danser les hanches. On l'a mis juste pour toi, Alex. Hey, justement, Alex Marchand. Oui, allô. T'as une chronique ici depuis quelques semaines. Ben, ok. Puis maintenant, t'as une intro. Ben oui. C'est incroyable, attention. C'est incroyable. Ah oui, c'est dans ma tête. Elle est avec Alex Marchand. Dans ma tête, avec Alex Marchand. Oh! Hey, hein? Hey, quand même, hein? Malade, c'est incroyable. Wow! Bonjour, wow. Alex Marchand. Hey, bonjour, Mathieu Plante. Bon travail! Hey, ben, merci beaucoup, on aime! Hey, oui, DJ. Quand même. C'est quoi ton nom de DJ, toi? Moi, c'est Lex March.

C'était Capslap et Gazo avec Rewind. Justin Caruso remix dans la chronique Dans ma tête avec Alex Marchand. Au retour de la pause, David Ferron et la chronique Zone Campus. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt, David? Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Intrigue-nous un peu. Alors, on va parler, évidemment, si vous avez vu la page couverture, on va parler de moustaches. Ah! On va parler également d'effets psychologiques, d'effets glaciales. OK. Et également aussi de maladies. Et de ton nouveau rôle aux Zones Campus. Entre autres. Retour, c'est là. C'est fou, 89 ans. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'émission matinale en pièces détachées avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Dans quelques instants, David Ferron devrait revenir en studio. Parce qu'il va imprimer quelque c'est chose. C'est ça, exactement. Ça mais arrive. Avant ça, Mathieu, pourquoi pas aller écouter un petit peu de musique? Ah, c'est parce qu'on n'en a pas tant joué ce matin. Non. Puis ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas entendu The Bear Brothers avec It Came to Me. Assemblage requis sur C'est fou. I was wrong and I heard you right. Star Brothers et la pièce It Came to Me à Assemblage Rocky. C'est comme tu l'as dit tantôt, l'émission matinale en pièces détachées, on dit jamais assez, c'est notre slogan, tu sais. Mm-hmm. C'est comme ça, on a besoin de savoir le slogan, des fois. Tout à fait. Bref, là, dans quelques secondes à peine, on va accueillir le rédacteur en chef du journal Zone Campus, David Ferron, pour parler du plus récent numéro qui vient de sortir hier matin. Il est frais, il est moustachu. Donc voici la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, jusqu'à aujourd'hui, en fait, parce qu'on en parle un petit peu dès le départ, dès le début de la chronique. David Ferron, bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, merci vous deux. Oui merci. Donc, on dit que la première chose à mentionner, c'est ton changement de poste, en fait. Depuis là, à partir d'aujourd'hui, mercredi, après la sortie de ce numéro-là, il se passe des remaniements ministériels dans le Zone Campus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. En fait, c'est très simple. Paraîtrait qu'il y a jusqu'à là, j'étais rédacteur en chef, oui, officiellement. Eh bien, je suis chef de pupitre, mais pour l'instant, je crois que c'est moi qui va toujours venir vous voir à la radio tous les mercredis. Donc, tu changes de poste, mais les tâches changent pour s'adapter aux gens, parce que dans le fond, les noms des postes ne veulent pas dire grand-chose. C'est quand même assez important parce que rédacteur en chef, le poste qui va être occupé par Marie Labrousse, qui est l'ancienne chef de pupitre. On échange les deux personnes finalement. Oui, c'est sûr que les fonctions, on les garde quand même pour faire une belle transition. Donc moi, je vais m'occuper du blog. Comme tu faisais en tant que rédacteur en chef. Oui, exactement. Donc tout ce qui est blog, tout ce qui est gestion des médias sociaux, c'est encore ma charge. C'est juste que je n'aurai plus l'équipe à gérer en tant que telle. C'est ça, les ressources humaines vont passer entre les mains de Marie Labrousse. Exactement. Donc ça veut dire que c'est toi quand même qui écrit le mot de la rédaction dans ce numéro-là, en page 2. Ben oui, exactement. Donc, ça dit, en fait, un début, une fin. Donc, ce que ça dit, c'est que parfois, dans la vie, il y a des choses qui se terminent. Mm-hmm. Des fois, on peut bien le prendre. Des fois, non. Des fois, on prend une décision, crève-cœur, parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Des fois, c'est parce qu'on a le choix et qu'on a une autre opportunité aussi. Ouais. Je parle de la fin ou d'un nouveau début. Ou d'un nouveau début, les deux en même temps. Ben oui. Donc, on commence par l'actualité dans ce tour du journal. Les stages en enseignement, qu'en est-il de la rémunération des stagiaires? Oui, exactement, parce qu'en février dernier, on a fait un topo, en fait, un article là-dessus, mais à propos des doctorants en psychologie. Et finalement, les doctorants en psychologie ont eu gain de cause en ayant une compensation financière de 25 000 $ durant leur stage. Là, au niveau de l'enseignement, parce que les enseignants... les futurs enseignants ont des stages à faire tout au long de leur scolarité, mais ils ne sont pas compensés financièrement. Ouais. Donc, ils font un stage, il n'y a pas de compensation financière. Donc, Gabriel Senville, qui est le journaliste qui a fait le topo, va nous renseigner davantage là-dessus. Mm-hmm. Et du côté de l'actualité, encore cette fois, c'est Magali Boisvert qui nous présente un reportage pour le Movember, c'est-à-dire des moustaches qui ont trop de panache. Oui, exactement. Ça rime en plus. Oui, donc, pourquoi on parle de Movember alors que la mode semble s'être passée? Oui. Ben justement, c'est pour ça qu'on voulait faire un reportage sur le Movember pour voir où est-ce qu'on en est vraiment. Je pense qu'on envoie moins de moustaches sur le campus, voyons. Oui, donc parce qu'on n'était pas en novembre. Non, mais là, on le lit, on voit-tu beaucoup? Honnêtement, je me promène pas tant sur le campus, non, alors je pourrais pas te dire. En tout cas, la chaise galerie, on n'en voit pas tant. Ben, en fait, Magali, justement, nous explique qu'en 2012, entre 2012 et 2016, l'argent ramassé par Movember Foundation a fondu des deux tiers en 4 ans. Donc, on a un bon signe que peut-être que le mouvement commence à s'étioler pas mal, et Magali a fait un appel justement à tous pour dire « Hey, toi, est-ce que tu vas porter la moustache durant le Movember? » Et ça a l'air qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver des répondants. Ouais. Donc toujours dans les reportages, c'est la nouvelle formule du Zone Campus cette année. On a oublié de le rappeler en début de chronique, mais plus de reportages, plus de portraits, plus de choses comme ça. Donc le prochain reportage, c'est sur les étudiants avec maladie chronique, c'est par Chloé Rousseau. Oui, exactement. Donc ça part du cas de Karine, qui est un nom fictif pour garder l'anonymat. Ouais. Donc elle, ce qu'elle a expliqué, c'est qu'elle commençait à être malade au mois de septembre, mais qu'elle n'a eu que les papiers médicaux qu'en décembre, et entre-temps, il y a eu des démêlés compliqués avec l'UQTR, et finalement, à cause de ça, elle a dû être suspendue, et elle explique les effets non seulement scolaires, mais psychologiques que ça lui a causé. Et malheureusement, d'après l'article de Chloé, l'UQTR n'a pas voulu expliquer c'est quoi les politiques de maladie, pas sur le cas de Karen en tant que telle, mais sur les cas généraux. Donc, elle s'est rabattue sur les politiques, et les politiques qu'elle a trouvées, c'est concernant les... En fait, les étudiants en situation d'handicap, mais pas les étudiants en situation de maladie. Mmh. Ouais. Ensuite, un portrait d'une étudiante au cycle supérieur. C'est Marie-Ève Gagnon en psychologie. Oui, exactement. Et Marie-Ève, qui a quand même un très beau parcours parce que dès sa troisième année au baccalauréat en psychologie, elle a publié un article dans une revue scientifique. Elle s'implique également aussi à la GEQTR dans divers comités. Donc, quelqu'un de très impliqué. Donc, c'est pour ça qu'on veut vous montrer justement que oui, les étudiants et étudiantes en expérience, mais ils s'impliquent également et se démarquent à leur manière. Mmh. Et on retrouve bien évidemment Samuel Pedro Beauchemin qui nous revient avec un éditorial. On parle de l'humain approximatif, le beau garçon Trudeau. On fait un bilan, si je me souviens bien. Oui, donc est-ce que Justin, selon Pedro, il s'en sort? Mais là, c'est sûr que l'article a été fait avant les Panama Papers. Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive là-dessus? Est-ce que Justin a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait? Est-ce que les chaussures Chewbacca ont fait bonne impression? À lire dans l'historial de Pedro. Absolument. Toujours en chronique La Petite Vite, c'est la chronique sexuelle des gens de sexologie. Cette fois-ci, c'est Marie-Lou Denis. Oui, sa première rédigée de sa main. Oui. Donc, de quoi que Marie-Lou... En fait, de quel sujet Marie-Lou parle, donc elle nous livre sa conception du désir, du libertinage et de l'affection et elle explique que souvent des réactions hormonales seraient derrière tout ça, donc de nos affects, de nos désirs et tout ça, et elle met également contexte les conditionnements sociaux et tout ça dans ce mélange d'hormones et de conditionnements, comment l'humain doit réagir ou l'humain pourrait réagir. Mm-hmm. On parle de l'université du troisième âge, la curiosité, ça n'a pas d'âge, et ça semble être quand même assez populaire. Oui, 1000 personnes par session qui s'inscrivent en fait à l'université du troisième âge. Wow. Oui, puis faut dire aussi que ce qui est particulier, c'est que physiquement, oui, c'est l'UQTR qui gère ça, mais les cours peuvent se donner partout dans la région, que ce soit à Saint-Élie, même à Drummondville, Trois-Rivières, Louisville même. En fait, tout dépend de ce que l'enseignant offre comme cours et les assignations et tout. Wow! Ensuite, la chaire de recherche en hydrologie de la cryosphère. Ça a l'air compliqué. 500 000 $ pour faire avancer la science. Oui, parce que le 500 000 $ vient d'une subvention du conseil de recherche en fait, en ressources naturelles et en génie du Canada, qui donne 500 000 $ justement à la recherche, à la chaire de recherche, pardon, en hydrologie de la cryosphère. En fait, la cryosphère, c'est quoi? C'est l'étude de l'impact du réchauffement ou des impacts des bouleversements climatiques. Je ne sais plus trop c'est quoi le bon terme. Sur les ondes froides, j'imagine. Oui, exactement. Sur les ondes polaires ou tout ce qui est, par exemple, fonte de glace et l'impact que ça a sur l'écosystème. Intéressant. On fait un œil sur l'actualité internationale aussi avec Gwendoline Lebeaumain. On parle de la loi de l'impunité. Oui, on revient encore sur le scandale de Weinstein. Ça, c'est un sujet dont il ne faut pas cette année de parler et d'en entendre parler également. Et donc, elle explique en fait que la solution, c'est l'éducation dès le plus jeune âge par rapport au respect. Tout à fait d'accord. Toujours en chronique, il y en a vraiment beaucoup en actualité, hein, c'est l'idée cette année. Un grain de science à la fois, c'est la chronique d'Alassania Kouilly. Oui, d'abord, ça n'a pas l'air très, très sexy ou appétissant. On s'excuse pour les gens qui déjeunent, mais Alassania parle de greffe. OK. Parce que récemment, il y a eu en fait des avancées médicaux comme quoi les greffes de tête. Oui, greffes de tête, bientôt ça pourrait se faire. Et ce qu'elle explique, c'est qu'il y a 150 ans, une greffe tout court, ça semblait être du paranormal. Donc elle explique que oui, ça pourrait se faire, mais elle fait l'historique des greffes. C'est le fun? L'histoire des greffes. Mm-hmm. Ensuite, on ramène les Vox Pop dans la zone campus et on pose la question, en fait, aux gens, si on leur demande s'ils sont impliqués et informés politiquement et socialement. Oui, exactement, parce que le Vox Pop, c'était une ancienne rubrique zone campus d'il y a peut-être une dizaine d'années, si je me trompe pas. À peu près, ouais. Donc, on a décidé de remettre ça sur pied pour, justement, connaître l'impression, connaître les idées des étudiants par rapport à une question. Et là, c'est de voir, est-ce que les étudiants sont impliqués politiquement? Mm-hmm. Ensuite? Oui, eh bien, on parle avec Kevin Gaudreau, encore une fois dans sa chronique Entre les deux pôles. On parle cette fois de troubles paniques, agoraphobie et l'exposition graduelle. Oui, donc, je tiens à dire que c'est la dernière chronique de Kevin Gaudreau. Ah. Oui, je m'excuse. Ben oui, c'est la dernière chronique. Ça fait vraiment longtemps qu'il est là, en plus, on le perd. Oui, oui, je crois qu'il était là depuis 2013. Ouais, hein. Donc, à peu près 4 ans et demi. Donc, en fait, pour clore en beauté... sa collaboration, Kevin nous parle justement de l'agoraphobie, des troubles paniques et ce qu'on appelle l'exposition graduelle. L'exposition graduelle, c'est quand, par exemple, tu exposes quelqu'un à sa phobie, de manière graduelle. C'est logique quand même. Ben oui. Il a pas l'air de dire au revoir dans sa chronique à la fin. Il fait juste... Il n'est pas du genre à faire des éloges pour lui-même. Hein? Non, justement, en fait, l'éloge à lui-même, c'est l'éloquence de sa chronique. C'est fort, c'est ben fort. Oui. Je vais m'occuper des arts et spectacles pour que Tania s'occupe des sports tantôt, mm-hmm. si ça va. Commençons par l'exposition d'Antonietta Grassi, quand l'art témoigne la nostalgie. Oui, donc, retour sur l'exposition Flatpak, c'est terminé le 20 octobre dernier à la galerie R3. Mm-hmm. Donc, il y a aussi une entrevue avec Antonietta Grassi. Donc, avec Mme Grassi. Donc, on dirait que j'ai des feuilles, mais j'arrive pas à suivre mes propres feuilles, ça va pas bien. C'est ridicule. Donc, avec Mme Grassi, qui est justement l'artiste qui est en vedette à l'exposition Flatpak, et elle décrit ses œuvres comme une lutte psychologique ou un processus cérébral abordant la question de mécanismes d'adaptation. Ouais. J'ai hâte que quand elle va avoir des enfants, qu'elle puisse les appeler de Grassi Nouvelle Génération. Oh! Ou les coureurs du lendemain, tu sais, comme André de Grasse. Non. Portrait d'une diplômée de l'UQTR, oui. Geneviève Barry, qui est artiste en art visuel. Oui, donc une artiste qui réside à Champlain et qui est également professeure de yoga. Oh, wow. Polyvalente, quand même. Oui. Le Québec, une page à la fois, c'est la chronique littéraire de notre amie Judith Étier. Oui, et ça parle du dernier livre de Samuel Sénécal, donc un auteur fidèle aux ondes campus, parce qu'on fait souvent, la critique de ses livres, ouais. Et c'est un auteur, je crois, que les chroniqueuses littéraires aiment bien parler. Ça paraît. Oui. Ensuite, en critique d'album, c'est Caroline Filion qui nous parle de 3 albums différents. Oui, Clément Jacques, Sam Harvey et Audionaut. Cool. Audionaut, j'ai écouté l'album et c'est excellent. Ouais. Ça, c'est mon petit billet personnel. Un portrait d'une recrue de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, Joliane Dufresne. Oui, exactement. Donc, Joliane Dufresne, qui, en date de la rédaction de l'article, avait déjà obtenu 2 fois l'étoile du match de son équipe. C'est vrai. Donc, une recrue à surveiller. Et c'est quelqu'un qui aime aussi le théâtre, les arts en général, parce qu'elle étudie en art, justement. Mm-hmm. Et pour elle, l'improvisation, ça permet aux gens de sortir l'enfant en soi. Ah. Je sais pas ce qu'est Xavier... Oui, pour voir si son enfant sort à chaque fois. C'est ça. On retourne en chronique avec le gars qui parle de cinéma, c'est Louis-Étienne Villeneuve qui nous parle de films qui sont à l'affiche au tapis rouge. Oui, donc c'est à propos du film Le Jeune Marx. On parle pas du chanteur qui était dans les années 80, Richard Marx. Hey boy! J'allais la chercher loin. Hein. On n'a pas les mêmes références. Et non, mais plutôt sur l'économiste allemand Karl Marx. Ouais. Donc le marxisme, ça vient de là. Et pour résumer l'appréciation de Louis-Étienne Villeneuve par rapport au film, je cite un passage de sa chronique. « Sans filon, un film biographique devient une mauvaise biographie. » Ben oui. On a aussi un résumé des Mardilabs du Gambrinus et finalement une pièce de théâtre, si je comprends bien, c'est Les Offrandes. Maintenant qu'on a perdu Marie-Christine Perra, il y a un petit peu moins de grandes pages théâtrales avec de grandes photos comme elle le faisait si bien, malheureusement. Mais ça va s'en venir. Ça va revenir? Ah oui. Ouais. Donc Les Offrandes, c'était au Centre culturel Pauline Julien. Oui, puis on en avait parlé parce que ça a déjà été publié dans le blog. Ouais. Donc c'est... En fait, un projet multidisciplinaire entre 3 artistes et c'était diffusé simultanément à Victoriaville et à Trois-Rivières. C'était ça, c'était le fun. Ben oui. Il nous reste les sports. Eh bien oui, et c'est ton propre article, David, qui fait un retour sur le Color Ta Course, un festival de couleurs contre le suicide. Oui, je passe très vite parce que j'en avais parlé dans une précédente rubrique. Oui. Donc, vous pouvez lire et voir des gens très colorés. Et c'était pour la cause du suicide. C'était la Victoire qui avait organisé une course... pour aider les fondations à la lutte au suicide. Étienne Lebel-Michaud nous fait un reportage en fait sur le dopage. On est fiers d'être propres à l'UQTR. Oui, donc déjà avec ce titre-là, on ne peut pas se demander est-ce que nos patriotes sont dopés jusqu'à l'os. Ça faisait discussion de vestiaire, tu sais. On est propres. On est propres. Les petits gars propres. On se lave bien après les matchs. Oui, parce que ça a l'air en fait justement que depuis 1992... En fait, l'un des responsables des Patriotes explique qu'il n'a jamais vu de cas de drogue. C'est impressionnant, pas de drogue depuis 92. Oui, puis même d'après ce qu'on peut comprendre à l'article, les athlètes trouvent même qu'il n'y a pas assez de tests antidopage. Ah oui? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, ouais, justement, quand il disait ben c'est peut-être juste pas assez regardé, en fait. Ouais, mais ils veulent aussi prouver qu'ils sont pas drogués. Oui, tout à fait. Ben oui. C'est sûr que c'est une bonne chose de pouvoir dire qu'on est propre, là. Ben oui. Ben, ça les honore. Exactement. De partout, hein. Tout à fait. Service de l'activité physique et sportive, on parle des multi-vendredis qui sont de retour. Oui, en fait, les multivendredis, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à chaque semaine, il y a une activité physique différente offerte à la population pour les sensibiliser à la cause de l'activité physique. Et le but, c'est d'offrir cette activité-là à faible coût pour justement permettre au plus de monde d'en profiter. Ouais. Et chronique de Vincent Boisvert qui nous parle du lent début de saison pour le Canadien. Oui, exactement. Donc, les Canadiens qui vont un petit peu mieux depuis ce temps-là, mais on ne sait jamais une régression est si vite arrivée chez les Canadiens. Surtout en décembre. Décembre, c'est toujours un bon mortel pour eux. Ouais. Et aussi, Vincent parle de l'équipe Canada Junior. Ça se pourrait que l'équipe Canada Junior ne soit composée d'aucun athlète de la LHJMQ, qui est la Ligue de hockey junior du Québec. Mm-hmm, junior majeur. De ton côté, tu as fait un Zone Lab, David. Ah, oui. Tu as essayé pour nous le Krav Maga. Oui, suis-je en biquille présentement? Non, pas là. Non, exactement. Donc, le Krav ça Maga. C'est ça. Pourquoi? Il s'enferme tellement dans ses cordons souliers. C'est là. OK, je pensais que c'était le ton comme « ça s'en vient, là ». Comme quoi, j'ai des comptes à régler avec tout le monde ici à mais la table. Mais non! Phew. En fait, le Krav Maga, qu'est-ce que c'est? C'est pas du macaroni avec la petite sauce orange. C'est du Krav de mort. Non. Oh. Mais non, en fait, c'est une technique d'autodéfense instaurée d'abord pour l'armée israélienne. OK. OK. Et qui s'est démocratisée de plus en plus, qu'attend que des instructeurs comme Lucien Crelier, qui est instructeur de Krav Maga au centre Saga. C'est pour ça que Krav Maga, Crevier, c'est ça? C'est en non, de en Crevier. Fait, Saga, c'est Krav Maga, Krav. Ok, Krav. Oui. Pas Krav. Okay. Non, Krav Maga. Même si tu veux mourir après, c'est ça? Mais non. Non? C'est pas Krav. Non. C'est ben Krav. Non. Ah, ok. Oui, c'est, faudrait c'est que... pas Krav. En fait, faudrait que je vois si il y a une étymologie. Oui. Ouais. Merci, on dirait que j'ai de la misère avec les mots ce matin, comme d'habitude en fait. Moi ouais, c'est ça, c'est quoi la différence avec oui. ça? Ben oui, donc en fait voir s'il y a une signification hébreuse. Hébreu. Oui, c'est une racine hébraïque là-dedans, ouais, parce que ça vient d'Israël. Tout à fait. Mm-hmm. Donc j'ai fait le test, j'ai fait un cours de Krav Maga pour voir de quoi ça a l'air. En fait c'est une technique d'autodéfense. Donc on t'enseigne avec, peu importe si tu te fais agresser avec un couteau, avec un fusil. Même hier on s'est essayé avec des fusils en mm-hmm. plastique. Ouais, ouais. Donc pour voir comment réagir justement dans la situation tous les jours et même que, en fait dans l'article, je voulais te le dire, ben, j'ai pas eu de place malheureusement. Non, non, c'est ça. L'article, mais ils font des séances aussi dans les voitures, dans les restaurants, pour justement pratiquer les gens dans des situations de la vie de tous les jours. Mm-hmm. Donc, c'est ça le Krav Maga, justement, c'est de permettre aux gens de se sentir en confiance et de pouvoir se défendre en toute situation. Ouais. Génial. On fait aussi le profil d'un athlète patriote. Cette fois, c'est Maude Poulain en soccer. On parle d'un nouveau souffle offensif. Oui, parce qu'en fait, ce qui est drôle, en fait, c'est que Maude Poulain, pendant longtemps, elle était à la défense, mais... Chez les Patriotes, elle est à l'attaque et on espère que cet hiver, au soccer intérieur, elle puisse être encore là. Donc, on verra ça. Et elle a quand même donné beaucoup de dynamisme à l'équipe, même si elle ne s'est pas rendue en fait dans les séries éliminatoires. Mais on a eu quand même espoir cette année que l'équipe féminine se rende dans les séries. Il faut vivre l'espoir. Oui. Tout à fait. Et on parle aussi côté masculin d'un athlète. Oui. On parle d'un capitaine de course, Marc-Antoine Sénéville. Oui, qui est le capitaine de l'équipe de cross-country. Et durant sa scolarité, en fait, pas juste à l'université, mais avant l'université, il s'était exercé à l'athlétisme. Donc, c'est sûr qu'il a découvert le cross-country. Parce qu'il faut dire que l'athlétisme et le cross-country, c'est hyper différent. Ah oui, bon? Mmh. Ben oui, l'athlétisme, c'est terrain plat, le terrain, en fait, la piste est déjà toute tracée, tandis que le cross-country, t'es dans le bois, t'es dans un terrain golf, c'est dans... T'es dans la boîte. Oui, ouais, exactement, souvent. Dans la grêle, tout. C'est ça, le cross-country, c'est que tu cours, c'est comme, en fait, du BMX un peu, mais avec tes jambes. Wow. Je sais pas si je suis clair. Non, c'est très clair. Très donc, visuel, parce oui. que t'es un gars visuel. Oui, exactement, donc, par exemple, on peut courir sur les plaines. Donc voilà, c'est le tour du Zone Campus qui est disponible en ce moment depuis hier, le 7 novembre. Ça va être disponible jusqu'au début décembre. Il y a un numéro qui sort en décembre. Oui. Vous allez le retrouver très facilement par la moustache d'un gars qu'on croise tout le temps, mais on sait pas c'est qui, mais il y a oui, cette oui, moustache. Oui, ben j'ai le nom. Et en plus, on me dit qu'il porte la moustache à l'année longue, ce gars. Oui, on l'a déjà reçu dans l'émission, Mathieu. Ah, ouais, est-ce qu'on peut dire c'est qui? Ben oui, vas-y. Eh bien, c'est Gabriel Fournier de Philosophie. Cool! Bon, ben il est sur la une du Zone Campus, disponible en kiosque un petit peu partout sur le campus, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Merci David Ferron. Ben merci de m'avoir accueilli. Anciennement rédacteur en chef, maintenant dorénavant chef de pupitre, mais qu'on va continuer de recevoir chaque semaine pour se mettre à jour des différents dossiers. On va pas faire le tour du journal comme ça tout le temps, on le fait juste une fois par mois. Ben le oui. reste du temps, on placote de ce qui se passe sur le campus. Hein. Ben tant mieux, parce qu'il se passe plein de choses. C'est notre mission de le faire. Merci David. Ben ça fait plaisir. Après la pause, ça va être le moment de parler avec Xavier McLeish de la Lutte. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt, Xavier? Et on parle d'un match incroyable. Arrête donc. Ouais, je pense que c'est de mon top 2. C'est mon top 2 des matchs. C'est drôle, mais moi aussi. Vraiment, c'était un excellent match. On en parle au retour. Au retour. Merci là. Aujourd'hui. C'est fou! 89 ans. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Qui en ce mercredi matin 8 novembre 2017, elle est Tania Bonner. Et Mathieu Blanc. Mm-hmm, oui, et... maintenant, vous jugez. Oui, hein? Ouais, la voix, là. C'est le mois de novembre pour tout le monde, hein? On a de la misère avec nos voix. Ben, moi, je rêve la journée où je vais faire votre entrée. Ça serait pas drôle. Mais non, t'es pas co-animateur, fait que tu c'est seras ça, jamais on, dans on dit tout le temps à Alex Marchand qu'il peut pas le faire. Il a essayé une couple de fois. Alex Marchand, le gars de la dans sa tête, là. C'est ça, ouais, et non pas le Alexandre Marchand de la Luitre. Ok, ok. Moi, j'étais comme, il est dans sa tête, mais c'est correct. Dans sa tête, il est co-animateur. Là, nous, on est là pour le remettre à sa place. Prends ton trou, man. Mais puis moi, je suis dans les coulisses de la Luitre. Ah, Colin, ah ouais, j'étais pas prêt, j'avais pas le doigt dessus. Ah, c'est moi qui fais la transition. Come on. Okay. Refais ça. Lui, okay. Lui, il est dans sa tête, puis moi, je suis dans les coulisses de la Luitre. Boum! Boum! Fallait bien que je le plug avec co-animateur, ça. Pire, hein, on ça. En parlait, je suis comme, oh, fais des liens. Je fais des liens, aïe, aïe. Plaisant pour les auditeurs. Sûrement, dans leur auto, ils font comme, ah, y a-tu un arbre que je puisse foncer? C'est ça, exactement. Juste, mais c'est peut-être en faisant. Ils ont sorti la tête dehors, comme les chiens, comme, ah, oh, mon Dieu, ça va être du bien. Sur les joues. Ouais. Donc, c'est Xavier McLeish. Je voudrais remarquer que Gabriel Béhoud n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais non, un retour, changement de voix majeur. Oui, ben, majeur, parce que lui, il est très, très grave. Moi, je serais très normal. C'est ça, non, ouais, ouais, ouais. La voix d'un gars de 12 ans comme d'habitude. Je vais essayer de faire autant de liens que dans ma chronique de lundi. Lundi, tu fais, Xavier McLeish, pour ceux qui te replacent pas, ta chronique La Conique. Oui. Lundi matin. Oui, des affaires complètement connes qui me passent par l'esprit. Un peu comme dans ma tête d'Alexandre Marchand, mais c'est moi, c'est des tops que oui, je fais. Des tops, des niaiseries. Des, ouais, bon, des tops de. Mais dont on a fait par le passé. Ma préférée, je pense, c'est les tops de choses qui m'ont dégoûté au spa. Oui. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est très, très précis comme, ouais, comme liste. Mais c'est bon, ça. Hein, faut remplir, hein. Faut remplir. Non, non, mais moi, ça me fait rire. Fait que j'espère que ça fait rire au moins une personne dans son char. Oui, ben oui. Mais là, on est là pour parler d'improvisation. Ça aussi, c'est drôle et ça a lieu aussi les lundis. Les lundis. C'est à 20h, la Chasse-Galerie. Il y a eu un match lundi, là. Oui, match couleur automne Halloween, donc ouais. Entre les verts et les oranges, donc entre les sapins et les feuilles qui tombent. Et pour vrai, c'est peut-être plate, mais c'est un match haut en couleur, c'est drôle à dire. Vraiment, non, mais on l'a dit, mais probablement dans le top des meilleurs matchs qu'on a vu à date. Ça, et la finale de l'an passé, la finale qui était déjantée, aussi vert-orange, c'est les deux mêmes couleurs, c'est pas les mêmes équipes, là, on s'entend, les équipes ont changé depuis, mais c'était haut en couleur et en concept. Et c'est un match signé, c'est plate à dire, mais Jocelyn Garneau. C'est pas plate à dire parce que Jocelyn Garneau est un grand nom de l'improvisation. C'est un grand nom de l'improvisation, mais c'est pas contre les autres joueurs. C'est pas contre eux. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils ont mal joué, c'est que Jocelyn a eu vraiment ce match-là une coche. ouais. au-dessus de tout le monde. Ouais, puis c'est pas parce qu'il a volé la vedette non plus. Il y a tout le temps des joueurs d'impro, on en connaît tous, on en a vu très récemment, des joueurs qui essaient de voler la vedette à d'autres. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Il fait juste prendre la place qu'on lui donne. Il s'adonne à être drôle quand il participe, mais il laisse les autres des fois avoir le spotlight. Et je trouve que Justin, par rapport à d'autres joueurs qui, comme tu dis, qui peuvent voler la vedette, on nommera pas de nom. Non. Xavier. Mais non. C'est pas vrai. Mais je me suis auto-nommé pour ceux qui savent pas. Là. Mais non. Justin, par exemple, a joué son match et son équipe lui a donné la chance de les jouer. Et ils ont été, les Verts et les Oranges, un très bon match. Mais selon moi, le portrait du match est vraiment, je veux pas être méchant, mais c'est pas représentatif de ce qui s'est joué sur la patinoire. Ça s'est fini très très serré, ouais. Mais c'est un match en hauteur. On passe quelques impros rapidement. Alors, que j'ai adoré signer Justin Garneau. Ça va être un petit peu la signature de la, la chronique. On va commencer avec moins de Justin puis plus de, d'autres équipes et d'autres joueurs. Numéro 1, la fusillade. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'il y a beaucoup d'improvisations silencieuses. Ouais. Par le passé, la Luître est très très expressive. C'est un match-là a commencé en finesse avec des impros silencieuses. Des fusillades, c'était pas voulu, là. Du mime. Ouais, entre autres, les racines de Marc-André Marion Flamand. C'était un arbre qui prenait vie. Oui, c'est vrai, tranquillement pendant les 30 secondes. Pendant les 30 secondes, c'était super bon. Fred Simon qui comprenait pas ce qui se passait, puis qui zoomait Francis Dugré Lampron qui regardait des prix, comparait des prix, puis il capotait. Ouais, puis il voyait que c'était le même prix avant et après, puis il capotait pareil. Ouais, même si c'était un rabais de 0$. Un gros rabais. Gros rabais, zéro. Et voilà, donc c'était zéro en finesse. Ça s'est joué même, je rappelle Julien Lavertu aussi qui est allé en silence, puis qui a regardé. Je pense que c'est ça. Ça s'est joué là, ça s'est joué dans des silences, ça s'est joué dans de la finesse, ces fusillades-là. C'est la première fois que je voyais ça et j'étais avec ma capitaine Margali Brousseau-Arcan. Mm-hmm. Et c'est ce que je me disais, c'est ça joue en silence, c'est du jeu fin et c'est voir qu'on voit ça. Ouais. Il y a eu plusieurs petites catégories funky, s'est embarqué dans les projections qui s'est passé, entre autres l'acronyme qui m'a fait beaucoup rire. Oui, il fallait en fait l'arbitre de ce soir-là, Alexandre Marchand justement. Lui de Matière Noire. Là. Oui, que, et non pas l'autre là, de lui, la chronique pas dans ma tête. Avec, voilà. Bref, il a choisi un acronyme au hasard un petit peu en regardant les affiches je crois de la chasse-galerie des différents domaines d'études. Je pense que scroller sur les récréologies et tout ça. Les départements de l'université, il a choisi BES et là les joueurs devaient choisir. Les capitaines devaient choisir qu'est-ce que BES voulait dire. Qu'est-ce que BES voulait dire? Ça m'a fait extrêmement rire. Il y avait plein de possibilités. Je pense que c'est un beau thème à exploiter. Ouais, j'aime vraiment cette idée-là. Ça fait développer encore plus parce que c'est comme toi qui choisis ton thème comparé à te faire imposer le thème. Ouais. On va y aller avec mon impro dans mes trois impros coup de cœur. Ouais. Ma première impro coup de cœur, c'est la sortie caméléon de M. Justin Garneau. Qui nous fait une petite référence quickie à Alexandre Laramir Zwicky en nous faisant un zoo. Et une sortie de classe, il sortait avec des enfants au zoo et là une nouvelle gorille, le paresseux. Et il joue, comme on j'ai dit, en finesse. C'est un match de finesse. Les petits gags bien placés tout le temps. Et les petits enfants, le singe, le gardien du zoo. Le paresseux, le RCR à la fille. Et cet impro-là valait 1000$ à regarder. Parfait. Je l'ai regardé pendant 4 heures. C'était vraiment un beau sketch. Puis moi, j'aimerais ça voir ce sketch-là. T'sais, je me dis, ça avait l'air un peu d'un sketch des appendices. Ouais. Pour ceux qui ont déjà vu un sketch d'appendices, mais comme. Ça pourrait être récurrent, mettons. C'est ça, ça pourrait être un sketch qui peut être drôle de toujours amener des enfants au zoo. Puis qu'ils voient juste des animaux différents tout le temps. Puis comment ils peuvent interagir avec ces animaux-là. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a fait triper mes raids. Puis les personnages que j'ai ramenés, une caméléon, c'est 5 personnages présentés par le même joueur en solo. Il faut que ce soit des personnages différents et identifiables différemment. Que tu saches que là, présentement, c'est la petite fille. La petite fille. Ouais. Et il y avait le petit gars qui m'a fait beaucoup rire, le petit gars qui n'était pas capable de poser sa question. Mais, c'est. Et moi, là, ce personnage-là de Justin, c'est. Après, moi, je voyais ça, mais ce personnage-là, c'est mon personnage du match. Il y a des personnages comme ça qui marquent un petit peu, même. Le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo, encore une fois, c'était Justin. L'année passée, il a fait ce personnage-là plusieurs fois et les gens demandent est-ce que tu peux refaire ce personnage-là. Mais ce personnage-là de petit gars qui voulait poser sa question m'a fait extrêmement rire. Mon autre impro qui me fait vraiment rire, toujours, c'est vraiment plate, là, les moments marquants du match, c'est Justin qui met ça dans ma tête. Mais la vidéo, oui, la dernière improvisation du match où Justin interprétait toujours Donald Trump. Oui, c'est un petit peu spécial. Une vidéo, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que chaque équipe, en fait, les huit joueurs sont mélangés, une équipe, mettons un joueur d'une équipe et un joueur de l'autre équipe, ensemble. Ils sont 4 chaînes de télévision habituellement. Et là, on a remplacé les 4 chaînes de télévision par 4 situations. Ouais. Donc, on avait le backstore d'un magasin de XXX. Ouais. On avait Donald Trump dans sa vie toujours, comme un 24CH pour ceux qui écoutent le hockey. C'est exactement ça. Un 24CH de Donald Trump. On avait, mon Dieu, il m'en manque deux, mais deux autres postes comme ça. Et Justin interprétait avec Marc-André Marion Flamand, des deux étoiles du match, Donald Trump et sa femme Et que du plaisir à voir cette improvisation-là et à rire de M. Trump sans vouloir avec le mimique à Jocelyn. À mimique. Et mon toupette que j'ai fait Donald Trump aujourd'hui juste pour vous parce que tu m'en as parlé lundi. Ouais, là, il est différent, par exemple. C'est vrai, il retombe un petit peu. Là. Il retombe, ah, come on. D'habitude, il y a un vrai toupette dans les airs avec Xavier Kish. Et mon impro que j'appellerais l'impro abdo du match. Est-ce que tu sais de quelle improvisation je vais parler? Attends un peu. L'improvisation abdominale. Ah oui, ok. C'est encore Jocelyn. C'est encore Jocelyn. On amène une chaise sur la scène et Jocelyn joue un mort, sauf qu'il y a juste une chaise. Ils ont oublié de donner la deuxième, mettons. Fait qu'il est sur le dos et il faut qu'il se tienne. Ben, pas faux, mais okay. Il a choisi on de se tenir. On va mettre en contexte. En improvisation, t'as pas le droit d'accessoires, sauf qu'à la huître, on n'a pas de bande de devant. On a des. Ouais, pour pouvoir laisser le public voir. Pour avoir le public voir, fait qu'on a enlevé la bande de devant et on a donné droit, ce qui n'est pas absolument dans les ligues, à deux chaises. Ouais. Pas plus, pas une moins. Chaise de métal. Deux chaises. Mm-hmm. Et Jocelyn s'installe, il y a un joueur qui ouvre la première chaise, Jocelyn se couche dessus, et Francis Renambron, en sortant la deuxième chaise, Alexandre Marchand siffle. Donc l'impro commence, il dépose la deuxième chaise, et Jocelyn est en équilibre, les fesses sur la chaise, la tête et les pieds dans le vide, parce que la deuxième chaise s'en venait. Et là, donc, à un moment donné, il avait tellement mal aux jambes qu'il s'est reviré sur le ventre, puis de côté. Même les joueurs, il y a eu décrochage à Francis Grenabon. C'est dans cette huitième improvisation-là, l'improvisation littéraire, dans le fond, qui était plus rien change, mais tout continue. En tout cas, une affaire de même, ouais. une affaire de progrès et de changement. Et c'est hilarant parce que Jocelyn forçait, et je lui souligne sa force d'abdominal à avoir fait pendant ces 3 minutes 30 d'improvisation. Tout le long couché. Tout le long couché. Avec les jambes des airs. Les jambes des airs, la tête des airs. Et dans la dernière minute, Jocelyn s'est reviré de bord et a fait, pour le gag, les abdominaux de face. Il s'est tenu bien tendu. Mais c'est pour ce genre de choses-là qu'on regarde de l'improvisation. Parce que tu peux pourrais voir ça. Là, ça aurait pas pu être prévu. Là. Et c'est le sifflet précoce. Tu veux dire précoce? Oui, précoce. Okay. Précoce d'Alexandre Marchand qui a causé cette improvisation-là. C'est plate pour les oranges, mais ça l'a donné une belle claque d'en face aux oranges. Je venais faire une impro incroyable sur le fait que leur père mourrait jamais. C'est hyper drôle. Leur mère mourrait jamais, en tout cas un ou l'autre. Ça, c'est des détails rendus là. Mourrait jamais. C'était super drôle. J'étais vraiment, mon Dieu, ça va être dur à battre. Et là, ce sifflet précoce-là a donné une claque d'en face aux oranges parce qu'ils sont fait avoir par un gag de chaise qui n'était pas prévu. Et pour vrai, merci Alexandre Marchand pour ce sifflet-là. Et merci bien sûr à Jocelyn d'avoir toffé. Parce que j'ai autant mal aux joues que d'avoir mal aux abdominaux. Exactement, j'ai eu aussi mal aux joues dans ce spectacle-là. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux pas manquer, ce genre d'événement-là. Pour vrai, ça se crée de toutes pièces. Ça se crée de toutes pièces. Et en plus, la semaine prochaine, selon moi, c'est le match à voir. Ah, pour vrai? Oui. Parce que tu joues dedans. Non. Non? Non, rouge-orange. Je pense que c'est le mix parfait entre l'assumé et le personnage des Rouges, avec Karine Perron, avec des... Gab Béhoud et Gabriel Lecomte, qui me fait extrêmement rire. Il n'a pas beaucoup joué contre nous la semaine passée, mais il est très, très drôle. Et les Oranges avec leur théâtral et leur... Oui, ça, Alexandre Pichessir. Alexandre Pichessir, Stéphanie Bellil, Julien Lavertu et Marc-André Marion Flamand. Ce match-là, pour résumer rapidement, se termine 7-6 pour les Verts. Comme je dis, c'est pas tout à fait représentatif de ce qui s'est réellement passé sur l'improvisation. Il y a eu beaucoup de pénalités, entre autres des cabotinages, des décrochages, des confusions. Et les étoiles du match du côté des Verts, c'est Jocelyn Garneau. Ben oui, évidemment. Sur des Oranges, c'est Marc-André Marin-Flamand qui a tiré un excellent match. Ouais. Lui qui était joueur substitut l'année passée, et il a été 2 ans joueur régulier par avant. Il revient en force cette année. Il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échelons dans mon cœur et dans le cœur des... Dans ton estime. Dans mon estime aussi. Je le connaissais pas, moi, avant d'arriver à la Luître. Ouais, il joue fort. Il joue très bien cette année. Il est très efficace, même s'il joue en finesse. Et l'étoile de l'arbitre, nul autre que Fred Simon, qui a été en troisième entrée tout le match et qui a absolument vraiment, vraiment fait des belles choses sur la prévisoire. La semaine prochaine, lundi 20h, on en reparle lundi rapidement à la fin de ma conique, mais rouge, orange, quel gros match qui s'en vient lundi prochain. Et là, il n'y a pas de pause jusqu'en décembre, donc on surveille ça tous les lundis. Tous les lundis. Vous avez pu poser la question, est-ce qu'il y a un match ou pas? Il n'y en a plus. C'est parti. Il n'y en a plus. Là. Le moteur est parti, là, on est sur le diesel, puis on roule. Québec-Montréal. On aime ça. C'est une très belle soirée à chaque fois, la lutte. Et c'est gratuit, hein? Oui, c'est gratuit. C'est important de le dire, c'est gratuit. Il y a plein de monde, là. Soyez pas gênés, il y a plein de monde, c'est le fun. On ne remarquera pas que tu es là ou que tu n'es pas là, mais on veut que tu sois là. Exact. Il y a quand même, on a gravé 200 personnes. Ah, wow. Au match d'ouverture, puis environ 90-100 personnes par match jusqu'à maintenant. Ah, facilement, ouais. Facilement, ouais. Même ça, c'est sans compter sur le monde qui revient de l'entrepôt Molson. Ouais, ça se remplit avec la soirée, là, pour vrai. Ouais, mais ils parlent tout le temps, là. Ouais, mais ça, on leur dit, ça scène. Ouais, on a même fait un impro, justement, d'impro Molson, d'entrepôt Molson. C'est ça. C'est la vidéo qui me manquait. C'est les retours de l'entrepôt Molson parce qu'ils ont ri d'eux tout le long. Tu sais, pas méchamment, là. Pas méchamment. Fait juste dire, il y a un match d'impro, tu sais, c'est un spectacle, tu le regardes. Ils en sont sur l'impro, ils font, ouais, en tout cas, moi, je parlerai pas pendant l'impro, même si je suis saoul. Puis là, tout le monde a ils font, ouh, voilà. Mais tu sais qu'ils n'ont pas entendu ça. Ils n'ont pas entendu ça. Ils ont juste hué parce qu'ils ont entendu l'entrepôt Molson. Ouais. Voilà. Hey, justement, parlant d'improvisation, pendant que t'es là, hier, c'était le Ouzley, mais c'était anyway. Ouais, t'es allé? Mais sans que je suis allé autour d'une pinte avec. Je suis allé avec notre chroniqueuse Stéphanie Paradis. C'est une tradition pour nous à chaque année en novembre d'aller là. Un match inspiré par la série Whose Line Is It Anyway, une série britannique avec adaptation américaine. Donc, c'est des petits sketchs très très courts, contrairement à un match d'improvisation normal où les thèmes sont, comment dire, laissés flous. Dans Whose Line Is It Anyway et Whose Line, on va donner des choses très très précises, mais avec un contexte différent, comme mettons, bon, devoir doubler un film qui était en langage des signes hier. Donc, t'avais les joueurs sur la scène qui faisaient du langage des signes et au micro, les autres joueurs qui faisaient leur voix en français, tu sais. Mais pour vrai, c'est pas que j'adore l'impro, là. Je suis passionné d'improvisation. Je coach, j'arbitre. Maintenant, j'arbitre et je juge aussi maintenant. Mm-hmm. Je joue. Et j'ai jamais été voir la ligne. Je suis vraiment, c'est dans les top 1 des choses que je regrette l'année passée. Ben, il faut vraiment que tu fasses ça parce que les mardis soirs à la Maison de la Culture, ça coûte seulement 5$ pour les étudiants. Quelque chose comme ça, ouais. C'est vraiment pas cher. En plus, nous, la lutte, on a un partenariat avec la ligne. Je comprends pas pourquoi j'ai pas pris de billets puis je peux aller plus souvent. C'est super simple. Moi, c'est sûr que le mardi, j'ai tendance à pas aller à la ligne parce que je suis ben trop fatigué de mon lundi soir. Je suis une vieille personne. Mais hier, j'ai fait l'exception et ça a vraiment bien fonctionné. Le match que je préfère par l'année, Ouzlim, surveillez ça l'année prochaine. Ça vous intéresse. Mais sinon, allez voir le match. Mais aussi le Boréalim, ça, c'est plus dans, c'est comme dans de l'impro plus artistique, ouais, parce que ça s'est inspiré des décors de Borealis. Ouais, c'est vraiment cool aussi. Ça aussi, ça s'en vient normalement, je pense, c'est dans le coin de Noël. Il y a pas mal de matchs spéciaux, la Lime, cette année. Oui, beaucoup, beaucoup. Toutes les années. Toutes les années. Et le Lime Luitre qui devrait réapparaître. Par magie. Par magie. Et voilà, dans notre calendrier, si on veut aussi trouver une journée où on est libre. Oui, si un jour il y a un calendrier, si un jour il y a un site web, pour l'instant, on est sur la page. Le site web est à fine minute de semaine, jour d'être sorti. Semaine, jour. Oui. Okay. Marc-André Baron-Flamand et notre VP pub, Maxime Landry. Voilà. J'ai vu que ça allait être vraiment beau, mais j'ai juste hâte. Moi, j'ai hâte de pouvoir vous donner. Et on annonce aussi peut-être des... je sais pas s'il me reste beaucoup de temps, là, mais rapidement. Il me reste, pour vous dire ça, là, il va y avoir des profils de joueurs directement diffusé sur le Facebook de la Luitre. Malade! En plus des articles des recrues qui se trouvent dans le journal Zone Campus, qu'on a vous avez parlé il y a quelques minutes, entre autres Joliane Dufresne qui joue avec moi, la recrue qui est dans le journal. Il va y avoir les profils des joueurs sur Facebook. Il faut savoir que les joueurs n'ont pas nécessairement eux-mêmes fait leur profil. Ah, okay. Parce que, comme dans les Bleus, nous, on s'était dit en joke, OK, on fait tout le profil de... du joueur alphabétiquement qui est au-dessus ou en dessous de nous. À sa gauche ou à sa droite. Mais non, mais mettons, moi je suis X, fait que je faisais le premier qui est Arcan, okay. Magali. Finalement, ça n'a pas tout à fait marché. On a un problème de communication, mais faut savoir des fois que si vous faites, oh mon Dieu, des il me semble. Problème de communication en 8, ça arrive pas, ça. Ça arrive jamais. Mais c'est surtout un problème de. Comment dire. De temps, hein? On va le dire. Ouais. De temps. On n'était pas assez rapide dans le temps pour faire ça. Mais fait que si jamais vous dites, hey, il y a des joueurs qui ont des drôles de profils puis ils se font un peu rire d'eux autres. C'est voulu. C'est voulu. C'est des joueurs qui, soit qui ont fait leur profil puis ont fait, ah mon Dieu, je déconne de moi-même. Ou des joueurs qui ont fait, ok, c'est d'autres joueurs qui font mon profil parce que c'est plus drôle. Wow. Donc, on va aller voir ça un jour quand ça sortira. On vous tiendra au courant. Oui. Pour l'instant, page Facebook, Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Xavier McLeish, qui est dans l'équipe des Bleus. Oui. Tu reviens quand tu veux pour remplacer notre ami Gabriel Béhoud. Sinon, lundi, puis sinon, je t'en onde après-midi. Oui, écoutez, VHS, les mercredis, qu'est-ce qui s'en vient en trois phrases? Peinture, psycho. Attends, je veux plus de phrases sur celle-là. OK, d'abord, j'étais allé sur les peintures psycho sur Internet et j'ai trouvé tous les noms de peintures qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont aucun sens. C'est n'importe quoi. Genre, il est pas dans mon top, fait que je peux te le dire. Selon toi, la peinture qui s'appelle... Attention, Tania. T'es prête? Attention, t'es prête? Qui s'appelle Hantabiduhan. Hantabiduhan. On dirait une chanson. OK, c'est... Hantabiduhan. Et Hantabiduhan. Un brun. Je ne pourrais dire. Hantabiduhan, j'ai fait des recherches chez Fuck All sur Facebook, c'est Fuck All sur Google, c'est Fuck All sur YouTube, mais c'est du jaune pâle, mesdames et messieurs. Ben oui. Merci. Ils ont fait, en fond, exactement ce que IKEA a fait. Ils ont brassé des lettres de Scrabble, puis ils ont sorti une couple de lettres. OK, notre peinture s'appelle. Ben attends, tu m'en as posé quelques-unes lundi. IKEA, c'est normal, c'est parce que c'est suédois. Ouais. Mais non, il y a l'aventurine qui est pas dans mon top non plus. Moi, je trouvais que ça avait l'air aventurine d'un genre de orange, non? Moi, j'aurais dit vert. Ouais, c'est kaki. Aventurine. Pourquoi? Pourquoi? Personne ne sait. Aventure extérieure. Ah, forêt, oui. Forêt. Et c'est ça, donc il y a plein de liens à faire, mais je peux vous nommer mon préféré de tous. Il y en a un que c'est juste deux prénoms. C'est Théo et Vincent. Théo et Vincent. C'est quoi? Théo et Vincent. Théo et Vincent. Un gris. Ben, ça doit être les deux enfants du designer. Ah non, mais on s'entend, là? Alors, ouais, ben, cuisine. Non, ma cuisine est Théo et Vincent. C'est comme... Ah, puis mon autre mur est pâte de chat. Tu sais, puis en plus, tu gaspilles deux noms. Appelle une peinture Théo puis une autre Vincent. Ouais. T'as des noms à créer sans... Mais ça dépend, parce qu'à la base, il l'a peut-être créé pour la chambre des deux. Ou peut-être qu'il a mélangé la couleur de Théo qu'il voulait puis celle de Vincent, puis ça a fait un mélange. Il a échappé deux pots de peinture, il a fait « Tabarouette! Ah, Théo Vincent! » Il devrait faire la même chose avec les yogourts, à la place de les appeler genre aux fraises, les appels. Ouais, mais tu sauras plus ce que tu manges. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Après ça, il y a aussi tous les modèles de chapeaux et casquettes, qu'est-ce que ça représente pour chacune des personnes, puis qui on associe à chacun des chapeaux et casquettes. Donc la tuque, le bonnet... Carmen San Diego, gros chapeau rouge. Le béret, hein, on va le oui, dire. Oui, le béret, tous ceux qui sont fans des cowboys fringants, comme j'ai vu sur Facebook, ça me fait beaucoup rire. Tous les vieux fans des cowboys fringants. Ça n'a pas à être le béret et les cowboys fringants. T'as jamais été voir un show des cowboys? Ben non. Oui, mais ils n'ont pas de béret sur la tête. Non, pas les cowboys, le monde qui vont voir les cowboys. Hein? Ah oui. Va marquer photo de foule des cowboys fringants en France, ils ont tous des bérets. En France. Ah, mais en France. Ah, mais en France, ils ont tous des bérets tout le temps. Ben c'est ça. Ah, mais les cowboys fringants, c'est québécois. Ben oui. Ouais, mais regarde les photos des foules des cowboys. Est-ce qu'on te fait confiance, Xavier? Okay, on te fait confiance. OK, garde. C'est correct. Vous écoutez VHS, vous allez comprendre tout le monde. OK, c'est bon, c'est correct. VHS, mercredi à 13h. On va faire ça. Oui. Merci, Xavier McLeish. Bien sûr. À bientôt. À bientôt. Lundi, bien sûr, à Assemblage Requis. Pause et au retour, il ne reste que toi, Tania. Mm-hmm. T'es la seule survivante de cette émission. Tu savais. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on l'a dit tout à l'heure, je fais un retour sur un type de chronique que je faisais avant, c'est-à-dire qu'on va parler de femmes inspirantes ou qui en ont inspiré et qu'on a peut-être oublié. Mm-hmm. C'est au retour à Assemblage Requis. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est la dernière demi-heure de l'Assemblage Requis en ce mercredi matin 8 novembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et sans perdre plus de temps, allons-y avec Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do it. On parle de femmes aujourd'hui, Tania. Oui, tout à fait. Je vous explique pourquoi. En fait, hier soir, j'ai fait la découverte d'un site internet qui est principalement fait pour les femmes. Hein? Et ça m'a justement amené à repenser à certaines chroniques que je faisais dans le temps, il n'y a pas si longtemps, en fait, où on parlait justement de femmes inspirantes ou de femmes qui sont qui ont eu de l'influence. Et je suis tombée sur une panoplie d'articles qui étaient vraiment intéressantes, je dois le dire. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous présenter, en fait, le site Internet. Sachez-le, c'est un site européen. Ça s'appelle terrafemina.com. Donc, c'est un média pour les femmes actives. On a jusqu'à 60 nouvelles par jour sur le site Internet. Et c'est un média qui est généraliste pour toutes les femmes et pour encore plus les femmes qui sont actives. Donc, ça aide, en fait, dans la conciliation qui est quand même assez difficile de vie professionnelle et vie personnelle. C'est là-dessus qu'on cible notre public. Et on passe par plein de choses. Là, on passe par l'actualité, l'info. Donc, on sonde, en fait, l'information des femmes partout dans le monde. On se rend compte de plein de choses quotidiennement. On fait des reportages, on parle de droits, des enquêtes, des analyses, prises de position. Tout ça, ça traite d'actualité avec un angle qui va être inédit. On examine aussi l'information de façon sérieuse, mais toujours avec un point de vue qui va être féminin. Et c'est le fun parce que, bon, c'est écrit par des femmes pour des femmes. Et il y a des grands sujets de société parler aussi. On a des nouvelles qui sont un petit peu plus légères, qui sont un petit peu plus petite actualité, on pourrait dire, qui sont un petit peu plus courantes, qui sont un petit peu plus mainstream. C'est divers, des trucs. Exactement. Comme ça. Et on parle bien évidemment de plein d'autres choses, donc beauté, sexualité, couple, psychologie, le travail, les familles, tout ce qui englobe aussi la cuisine, les fameuses tendances. Si on a des enfants, bien sachez que vous pouvez avoir des articles qui vont s'adresser à vous. Donc, ça touche vraiment là, toutes les femmes de 0 à 100 ans. C'est vraiment très, très vaste pour toutes les femmes, mais encore une fois, c'est justement fait pour les femmes, par les femmes. Et parce que, bon, on cherche justement à avoir des lectrices qui sont un petit peu actives, c'est-à-dire qu'elles ont un travail professionnel, qu'elles vont peut-être jongler avec une vie familiale. C'est vraiment ça, en fait. On souhaite tout connaître en même temps. On veut avoir un endroit spécifique pour s'informer le plus rapidement possible sur plein de sujets. Et c'est ce qu'offre Terra Femina pour les femmes de ce monde. Alors que vous soyez... c'est sûr, c'est en français. Ça va être un petit peu plus difficile si vous lisez en anglais. Mais c'est très intéressant d'aller faire un tour sur ce site-là. Et bon, ce sont des journalistes qui ont décidé tout simplement de partir ce site Internet-là. C'est très intéressant. Wow. Oui, tout à fait. Je suis tombée sur un article qui parle de femmes inspirantes partout dans le monde. Je ne veux pas dire que c'est absurde, mais parfois, on se retrouve à être une femme inspirante pour certaines situations qui sont hors de notre portée. Ça veut dire qu'on n'a tout simplement pas voulu mettre l'accent là-dessus, mais on est devenue une femme inspirante par rapport à ça malgré tout. Ouais. Alors, j'en ai quelques-unes à vous présenter. La première, c'est Gwendoline Desbonneaux. En fait, c'est un jeune talent précoce du journalisme. Elle est grande reporter pour Europe 1 depuis maintenant 4 ans. Donc, Gwendoline Desbonneaux, elle est devenue une journaliste sur le tas. Okay? Ah oui. Quand on dit « j'ai été formée sur le terrain », c'est pas mal cette jeune fille-là. On est une des rares femmes à couvrir les zones de conflit avec autant de bravoure, de finesse et d'intelligence. On gâche absolument rien. Et on a 29 ans seulement. Donc, d'ailleurs, elle a été reconnue pour la couverture qu'elle a fait de la guerre en Irak du côté de Europe 1. On parle de presse diplomatique française. On a reçu des prix en 2016 pour le travail qu'on fait. Donc, on couvre les zone, comme je le disais tout à l'heure, de conflit avec beaucoup de force, beaucoup de bravoure. Et c'est sûr, bon, on a réalisé des reportages qui sont incroyables, entre autres sur l'épidémie du virus Ebola au Libéria, sur la guerre de Gaza ou encore sur le djihadisme au Mali, en Centrafrique et en Irak. Donc, c'est une des premières journalistes à être entrée à Mossoul alors qu'elle suivait les forces spéciales irakiennes qui affrontaient l'État islamique. Elle était sur le terrain, elle faisait son travail et elle est devenue une femme inspirante pour plusieurs autres à cause de ça, mais surtout à cause du fait que justement, on a été formé sur le terrain. C'est assez difficile de pouvoir être formé à suivre justement des guerres de ce genre-là. Il n'y a pas nécessairement de formation qui se donne. Faut le vivre. Faut que tu sois bonne et c'est quelque chose qu'elle a réussi à faire, être excellente dès le premier moment. Et c'est comme ça qu'elle a gagné aussi le cœur du public. En fait, il y en a qui l'ont pas. Hein. Elle l'a. Elle l'a très bien eue, il faut le dire. Par la suite, on a Winnie Harlow. Qui est Winnie Harlow? Je parle de devenir inspirante sans nécessairement avoir le contrôle sur quelque chose. Eh bien, c'est une Canadienne qui est née en 94 ici. On peut l'appeler aussi Chantel Brown Young de son vrai nom. Elle souffre de vitiligo, depuis ses 4 ans. Donc, c'est une maladie auto-immune qui entraîne une dépigmentation de la peau. La jeune fille, elle a été connue en fait parce qu'elle avait participé à l'émission America's Next Top Model. Exactement. Merci Mathieu. America's Next Top Model. C'est une jeune femme qui a affronté des moqueries tout le long de sa vie. Évidemment, à cause qu'elle avait des dépigmentations. Elle en a fait sa force, tout simplement, mais c'est pas quelque chose qu'elle peut contrôler, non, malheureusement. Et on la voit depuis ce temps-là sur plein de publicités, des panneaux publicitaires. Écoute, c'est incroyable parce que la plupart du temps, cette maladie-là, c'est sûr, tu ne contrôles pas, mais tu ne contrôles pas aussi où ta dépigmentation va se faire. Ouais. La chose qui est assez surprenante avec Winnie Harlow, c'est qu'elle est symétrique. Ouais. Donc, s'il y a une dépigmentation du côté gauche, il va y avoir exactement la même du côté droit. C'est ça qui a été reconnu. C'est comme une tache d'encre de psychologue, mais vivante. C'est fou, c'est d'une beauté incroyable aussi. Donc, ce qui a été un petit peu dans sa jeunesse, un point faible pour elle, est devenu plus une de ses forces. Donc, on milite avec acharnement en faveur de l'acceptation de soi et de la promotion d'un modèle de beauté qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus diversifié. Et je dirais que ça a été dans les premières, en fait, à America's Next Top Model, là, de pouvoir dire justement des choses comme ça, ouais. De pouvoir avoir aussi un jeu sur ces photos parce que, bon, on était différentes, on voulait justement faire montrer la symétrie, tout ça. Elle a frayé un chemin, vraiment. Elle a frayé un chemin, puis c'est tellement beau, là. Ouais. Elle est devenue, depuis ce temps-là, devenir égérie, oui, d'une compagnie, donc de Desigual, et elle est une star d'Instagram, là. Elle a tellement de gens qui la suivent. Très bonne Instagram. C'est incroyable, mais elle est d'une beauté phénoménale, malgré la dépigmentation qu'il y a sur sa peau. Ah, même sans le bout de la phrase, malgré ça. Oui, c'est ça, exactement. Elle est juste belle en général. Mais on dirait que tout ça, ça ajoute une beauté incroyable. Une originalité à sa personnalité aussi. Ouais. Et il faut dire que la personnalité, c'est aussi un petit peu forgé grâce à ça. Ouais. Donc, c'est merveilleux. Moi, je lui lève mon chapeau d'en avoir fait sa force. Winnie Harlow. Exactement. Par la suite, on va parler de Shirin Jérémy. Qui est-elle? Bien, on a fait notre apparition, en fait, pendant que le gouvernement a déclaré la guerre aux Iraniennes, on a accentué la répression à leur rencontre et Shirin Jérémy, eh bien, elle a fait figure d'héroïne pendant ce temps-là. Donc, c'est une première triathlète féminine du pays et elle lutte pour l'émancipation des femmes par le biais du sport dans son pays. Donc, pour que toutes les Iraniennes puissent y avoir accès sans nécessairement être gênées, sans nécessairement que leur voile soit obligatoire. On a demandé à créer une marque de vêtements de sport adaptée et ce que vous portez ne doit pas nécessairement définir la personne que vous êtes ou que vous pouvez être ou que vous ne pouvez pas être et ne doit pas définir non plus ce que vous pouvez faire. Donc, c'est un petit peu par le biais du sport que Shirin Jérémy est devenue une femme inspirante pour les Iraniennes de ce monde. C'est juste un morceau de tissu qu'elle dit. Alors, on l'a vu dans plusieurs magazines, entre autres Sports Illustrated, parce que, bon, justement, elle est ciblée vers le monde du sport. Et c'est un engagement sportif et féministe à suivre de très près, sachez-le. Moi, j'ai entendu parler d'elle à travers plusieurs autres magazines. Et quand j'ai vu qu'elle était rendue sur la liste des 10 femmes inspirantes à travers le monde, j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que oui, les Iraniennes, malheureusement, on les voit pas nécessairement partout dans les sports. On a de petites délégations féminines sportives avec ces femmes-là. Parce que justement, elles sont un petit peu limitées quant au sport qu'elles peuvent faire avec leur voile ou tout ça. Donc, si on a réussi à mettre de l'avant une ligne de vêtements sportifs adaptés à ces jeunes femmes-là, je vois pas pourquoi ça serait pas génial. Ouais. Donc, Shirin Jérémy s'est montrée justement être le visage de toutes ces femmes qui désiraient faire du sport dans ces pays-là et qui a réussi à en faire justement son gagne-pain. C'est merveilleux. Je lui lève mon chapeau. Oui, absolument. Peut pas faire autrement. Va pas voir les commentaires sur Facebook. Non, exactement. Entend seulement les nôtres. C'est bien ça. Par la suite, je vous parle de Joséphine Kouléa. Kouléa. Oui. Qui est-elle? Bien, c'est une Africaine qui se bat depuis plus de 10 ans contre les mariages qui sont précoces et les mutilations génitales. Donc, ce sont des pratiques qui sont traditionnelles encore aujourd'hui et qui sont encore monnaie courante dans la tribu kényane des Samburu dont elle vient. Donc, c'est grâce à une association qui s'appelle Samburu Girls Foundation qui a été créée en 2012. Elle a déjà sauvé plus de 1000 fillettes et elle a seulement 32 ans. À 32 ans, le docteur Joséphine Kouléa est l'une des figures les plus influentes présentement de la lutte contre ces violences qui enferment les filles et les femmes dans un quotidien de douleur au nom de la tradition, parce qu'on s'entend, c'est pas quelque chose qu'on veut faire de façon méchante là-bas, c'est que ça fait partie de la tradition, ça fait partie du fait de devenir une femme, de pouvoir devenir une femme qui peut être mariée rapidement, très jeune. Donc, Barack Obama lui a même salué le courage et la ténacité de son travail en expliquant qu'il lui donnait de l'espoir et que c'est... Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui partage pas cette opinion-là que Barack Obama a eue envers cette femme-là. C'est, comme je le disais, c'est des pratiques qui sont traditionnelles. Alors, de devoir les militer dans son propre pays pour dire que c'est pas quelque chose de normal quand c'est tout simplement une tradition, quand c'est un rituel pour une femme de devoir passer par là, ça ouvre aussi une ouverture sur ce que c'est ailleurs dans le monde. Et je pense que les mutilations génitales, c'est jamais vraiment très, très voulu chez la femme. C'est vraiment traditionnel, mais il y a rien de plaisant là-dedans. Alors, de pouvoir justement avoir quelqu'un pour qui les jeunes femmes vont pouvoir regarder avec inspiration et vont pouvoir peut-être même demander de l'aide à un certain moment dans leur vie. Je pense qu'elle mérite d'être une des 10 femmes les plus inspirantes au monde, oui. Présentement du moins. Je vous parle aussi de Laure Bouleau. Qui est-elle? C'est une Européenne et elle est une joueuse professionnelle de soccer qui joue arrière latéral gauche. Bon, son poste... Elle est sur le terrain. Hein, c'est ouais. Ça, elle est sur le terrain, elle travaille fort. Mais elle a réussi à se tailler un nom dans le monde du soccer qui, malheureusement, n'a pas nécessairement tendance à être aussi populaire chez les femmes que chez les hommes, surtout du côté professionnel en Europe. Elle s'est taillée un nom bizarre, mais c'est taillé un nom. Mais, hein, écoute, c'est un talent de défenseuse qu'elle a eu. On a une dextérité, on a un esprit d'équipe qui ont été salués, qui lui ont permis de s'offrir aussi le titre de vice-championne de France avec son équipe en 2011, en 2013, en 2014, en 2015. Wow. Et en 2017, eh bien, on participe au championnat d'Europe de soccer féminin. C'est une des meilleures sélections de joueuses du côté de l'Europe. Donc, on va s'affronter de ce côté-là. Mais en dehors des terrains, c'est aussi une jeune femme qui va être active. Elle n'est pas seulement inspirante pour être bonne sur le terrain. Elle est inspirante aussi parce que, bon, on poursuit nos études en tant que kinésiothérapeute. On est une passionnée d'Internet. Donc, tout ce qui se passe côté web, tout ce qui se passe côté geek un petit peu, on est passionné par ça. C'est un modèle des plus inspirants pour les jeunes femmes en Europe présentement qui veulent justement essayer de faire études, travail, sport professionnel. Littéralement, boulot. Boulot. Barre oblique. Écoute, je pense qu'on pourrait pas décrire la jeune fille d'une meilleure façon. C'est vraiment quelque chose d'hors pair d'arriver à jongler avec tout ça. Donc, c'est sûr que du côté professionnel aussi, les filles du côté du soccer, même du côté du hockey ici au Canada, on a une façon différente d'arriver à nos fins. C'est pas la même chose que le sport professionnel masculin. Donc, si on peut arriver à faire changer certaines choses de ce côté-là grâce à des femmes comme elle... Tu sais, hein? Hein? Elle aussi, je lui lève mon chapeau. C'est ça, on va se... Plusieurs chapeaux, hein? Ça? Oui, tout à fait. La dernière que je vous présente, en fait, on va sortir du monde du sport... On va sortir du monde militantiste. Mm-hmm. On va s'en aller plutôt du côté des arts. Je vous parle de Victoria Modesta. Je suis allée faire un petit tour sur son compte Instagram. C'est merveilleux à voir, sachez-le, si jamais ça vous intéresse. Okay, parce qu'il est dans le présent, parce qu'on dirait un vieux nom. Victoria non. Modesta. Victoria Modesta. En fait, c'est une artiste multimédia. Elle est mannequin et elle est chanteuse, donc on n'arrête jamais. On est tout le temps en train de faire quelque chose. Elle est amputée d'une jambe à cause d'une malformation de la hanche. Et la jeune femme qui vient de la Lettonie nous a fait oublier un petit peu tout ce qu'on croit savoir sur les handicaps. Justement grâce à ses arts. Donc, grâce aux artistes, grâce aux arts de multimédia, grâce au mannequinat, grâce à sa voix. C'est dans des clips sublimes que la jeune femme est capable d'exposer justement ses talents en musique, mais aussi en danse, en mettant en scène sa prothèse sans le moindre complexe et on explose tous les préjugés. Donc, on oublie l'handicap, on regarde le talent et c'est vraiment ça qui est rafraîchissant, en fait. Et c'est devenu une artiste qui est extrêmement rafraîchissante, qui fait réfléchir aussi et il faut absolument la suivre de très près. Donc, allez voir son compte Instagram si jamais le nom vous a intéressé comme ça, Victoria Modesta. C'est incroyable ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle nous démontre qu'elle fait et ça fait oublier justement que si jamais tu as un handicap dans la vie, tu peux ne pas arriver à grand-chose. C'est faux. Faux. Je pense que ça pourrait être l'exemple même que tout est possible si on s'intéresse à ce qu'on fait, si on est passionné de ce qu'on fait. Victoria Modesta, je suis tombée en amour avec cette artiste-là, tout simplement. C'est incroyable et elle a une grâce merveilleuse. ça fait en sorte que le tout est encore plus beau. Ouais, une classe. C'est merveilleux, en fait. Je pourrais pas mettre d'autres mots que ça sur l'art et sur ce qu'elle nous présente. Et en terminant, bien, je vais vous parler d'un livre que vous connaissez peut-être pas, parce que je vais vous avouer que j'ai aucune idée si on peut se le procurer ici au Canada en librairie ou si on doit le commander sur Internet directement. C'est grâce à ce site Internet-là aussi, Terra Féminin, oui, que j'ai réussi à découvrir ce petit livre-là. Ça s'appelle « Ni vu, ni connu, mais au féminin et au pluriel ». Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, ce sont des femmes qui ont été marquantes dans l'histoire, mais qu'on a tendance à oublier. Mm-hmm. Donc, ça regroupe en fait 75 femmes et c'est 42 personnes qui ont réussi à mettre la main à la pâte pour écrire ce livre-là. Donc, on parle de journalistes, on parle d'historiennes. C'est sensiblement fait par des femmes aussi. Donc, c'est ultra cool, on va se le dire. C'est écrit par plusieurs journalistes. Ça a été mis en édition par Hugo et compagnie. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas si on peut se le procurer ici en librairie. On continue, en fait, une exploration des problématiques féministes et comme je le disais, c'est incroyable de pouvoir voir à quel point il y a plusieurs femmes qui ont été connues à travers les années, mais qu'on a tendance à moins montrer avec la modernité des choses. Donc, on retrouve certains visages connus, comme par exemple Josephine Baker, Rosa Parks, Camille Claudel. Donc, tout ça, c'est dans le but collectif qui était d'interroger les méconnaissances qu'on a sur les femmes qui ont marqué le monde. Et aux côtés des connues, bien, on a aussi de nombreuses méconnues. Par exemple, Rosalind Franklin, qui était Ada Lovelace, Alexandra David-Néel, ou encore, je vais essayer de le dire sans trop mal le dire, Zynga Bandy, qui était une méconnue, mais qui a aussi réussi à marquer l'histoire. Donc, on parle d'exploratrice, on parle de scientifique, on parle d'artiste, de politique, de guerrière. On a accédé au pouvoir, on a fait avancer l'histoire grâce au militantisme qu'on avait et on a aussi pu changer les choses, mais ces femmes-là, on a tendance à les oublier. Alors, ces journalistes-là ont décidé justement de le mettre en livre, de pouvoir propager un petit peu, disons ça comme ça, l'existence de ces femmes-là pour garder le souvenir de ces femmes qui ont changé quelque chose dans notre monde. Et on parle de femmes qui ont des parcours complètement différents, mais qui partagent tous un point commun. Elles étaient les pionnières dans leur domaine. Donc, c'est intéressant de tout simplement fouiller par rapport à ce livre-là. Moi, si on ne peut pas le trouver en librairie, je vais clairement me le commander sur Internet. Ouais, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé au Canada. Mais c'est pas grave, ça va te donner du matériel si tu te le procures pour les prochaines années de chroniques sur les femmes. Tout à fait. C'est ça. Merci, Tania. Fait plaisir. D'inspiration matinale comme ça, on en prend, on aime ça. On va écouter justement une femme, on va aller entendre un petit peu de Rosie Vallant, qu'on aime beaucoup. Voici Synchro à Assemblage Requis, et on revient se dire au revoir après. Nous de la paix, nous de la paix. Tuxedo de Cherry Cherry à son blage requis. Et c'est là-dessus qu'on termine l'émission d'aujourd'hui sur cette note particulièrement séduisante. Mm-hmm. On remercie nos chroniqueurs. Aujourd'hui, on en a eu plusieurs. Hein? On a eu Sébastien Viertin en début d'émission avec sa chronique Bulletin Gartin. On a eu Alex Marchand à 8h pour Dans ma tête. David Ferron pour le Zone Campus. Et puis... Xavier Méclich. Pour la chronique Dans les coulisses de la nuit. Exactement. Merci Tania. Merci à toi Mathieu. Demain à l'émission, on va avoir plein de bonnes choses. Véronique Mire va être de retour pour sa Véronéclopédie. Stéphanie Paradis pour sa patate de sofa. On va aussi faire une grosse pointe tendresse. J'ai une surprise pour une grosse pointe tendresse demain. Je m'en vais chercher ça tantôt. Mmh. Plus tard, sur nos ondes aujourd'hui, on va être de retour à midi pour l'émission Les Palmarès, c'est fou avec le top 10. À 13h, Xavier Méclich et VHS. 15h, je serai là pour le Mathieu Plante Show. 17h, Audiomatique. Écoutedon.ca, 18h. Et puis, c'est pas mal ça. Sif.ca, assemblagerequis.com. À demain, 7h. Bon café, tout le monde. Oh, j'en veux un autre. Il fait froid, café.